Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Je rappelle que nous sommes présents sur Gab ainsi que sur Odyssée à l'adresse Oremus officielle. Je remercie toutes les personnes qui me partagent sur les différents réseaux. On a vu encore passer plein de liens sur Telegram, même encore une fois sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter. Merci à toutes les personnes qui jouent au jeu et qui contribuent à faire populariser ce podcast. Ça nous rend beaucoup de service parce que le temps nous manque. Et donc, je vais commencer déjà par présenter nos membres. Je crois que Dédé est arrivé avec ses meilleures vannes. Bonjour Dédé, comment ça va ? Salut Bobby, salut Nzinko, salut Rex. Bah, bonjour à tous nos auditeurs. Bah, écoute, ça va bien, content d'être avec vous. Hein, pour continuer à envoyer du lourd, voilà, vive Jésus. Et donc, il vient de l'annoncer, Rex. Rex est aussi avec nous. Comment ça va, Rex ? Ça gaze ? Ça gaze, comme toujours, que ce soit le zyklombé ou une autre matière. En tout cas, voilà, la forme est là. D'autant plus quand je suis au milieu de vous tous et de nos chers auditeurs. Et enfin, Dédé l'a annoncé parce que Dédé spoil tout, nous avons un nouvel intégriste parmi nous. Je vais bien sûr présenter Elzinko. Elzinko, comment est-ce que ça va ? Bienvenue. Ça va très bien, Bobby. Alors, je salue Dédé, Rex et les auditeurs. Je suis Elzinko, voilà, votre humble serviteur. Je suis ravi de participer à cette émission prometteuse. Et que Dieu la bénisse et bénisse tout le monde. Eh bien, très bien. Alors, attendez, je check ma liste. Alors, des potes sympas, ça c'est bon. Ils sont intégristes, ça c'est bon. Des sujets explosifs, ah bah c'est bon, bah je crois qu'on va commencer. Et on va mettre les pieds dans le plat tout de suite avec un premier sujet. Alors, sujet un peu délicat. Il y a des sujets en fait que j'aimerais bien ne pas traiter, dans le sens où j'aimerais bien que les sujets n'arrivent pas parce que l'actualité ne le permet pas. Mais là, il y a des choses mauvaises qui se passent, ce qui nous fend un peu le cœur parce que du coup ça vient du Vatican et on est un peu obligé de traiter ce sujet-là. Je vais parler du pape François qui a donné un nouveau tour de vis pour contenir les communautés traditionnalistes. Je vais lire un petit extrait du journal Le Figaro pour vous donner un peu la trame globale. En fait, je vais lire l'extrait, mais je vais surtout expliquer un peu ce qui se passe. Il y a des communautés, on va dire, traditionnalistes plus ou moins rapprochées aux lignées de Rome qui existent. Certaines sont vraiment très très rapprochées de Rome et ont la possibilité de faire la messe dite tridentine, traditionnelle, en latin, vous comprenez. Et donc bah voilà, ce qui devait se passer finalement vient d'arriver. Toutes ces permissions pour les communautés traditionnalistes de célébrer la messe tridentine viennent de changer. Et maintenant, la messe dite en latin n'est plus autorisée, en tout cas plus autorisée directement par l'évêque. Ça doit venir de Rome, du pape lui-même, et non plus l'évêque local qui peut donner une autorisation. Alors, je vais lancer le sujet, je vais laisser la parole à mes très chers camarades. Je voulais simplement, pour poser un peu le sujet, finalement dire une première chose. Quand on pense directement à ce genre d'événement, il y a deux organisations, en gros, qui viennent en tête. La première, on va dire en termes de nombre et en termes de présence médiatique, ça va être la Fraternité Saint-Pilis, c'est mon avis personnel, hein, qui je crois va être en fait très peu affecté par cette nouvelle parce qu'ils ont une sorte d'indépendance, on va dire, c'est un mot valise par rapport à Rome. Mais je crois qu'il y a surtout des communautés qui étaient très très rapprochées de Rome et qui avaient une certaine dépendance pour le coup, qui ont misé sur le fait d'avoir conservé la liturgie et en échange d'avoir validé un peu toutes les bêtises, malheureusement, qui étaient présentes dans Vatican II. Et là, du coup, elle s'en trouve finalement avec les bêtises de Vatican II et la liturgie qui était autorisée avant pour célébrer la messe en latin, bah, ils ne l'ont pas non plus. Donc, ils vont être assez embarrassés. Petit à petit, voilà, on vous donne ceci, machin, puis on reprend, puis à la fin, ils n'ont plus rien. Voilà. Donc, bah, je vais peut-être lancer le sujet directement et puis demander à notre camarade Elzinko, justement, d'inaugurer sa présence ici. Qu'est-ce que tu en penses, Elzinko? Moi, je vais m'inscrire un petit peu en faux sur ce que tu as dit au début, dans le sens où tu trouvais que c'était une mauvaise nouvelle. Au contraire, pour moi, c'est un signe de réjouissance pour les chrétiens envoyés par Dieu. Pour moi, c'est un signe des temps, ce rescrit. Babylone va tomber, à mon avis. Parce que qu'est-ce qu'on voit par ce rescrit? On voit que Rome, en fait, publie, entre guillemets, sa caducité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent d'endiguer, en fait, l'exode des fidèles. Ça fuit de tous les côtés. Moi, j'ai certains retours de pays de l'Europe de l'Est, et j'ai vu comment ça se passait là-bas. En fait, vous avez, c'est probablement aussi la même chose dans beaucoup de chapelles traditionnalistes, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent chez les tradis, et si bien que les modernistes du coin, en fait, pour retenir leurs fidèles, ils sont obligés eux-mêmes de proposer une liturgie de Saint Pie V. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez vu, mais voilà, c'est la dynamique actuelle. Le Figaro l'avoue lui-même. En fait, il dit, face au succès de cette liturgie traditionnaliste, le pape, voilà, le rescrit, ça vient du fait qu'il y a un certain succès pour la tradition. Mais comment l'expliquer? Placez-vous dans la peau d'un moderniste, ces 4-5 dernières années. Comment expliquer qu'il se rue vers la tradition? Il faut se tourner vers les actions de Bergoglio. Qu'est-ce qu'on a eu? Ça a commencé comment? Ça a commencé avec un Maurice Laetitia. Donc, à Maurice Laetitia, c'était voilà, les divorcés remariés qui peuvent aller communier. Ça, il faut vraiment faut vraiment être catholique de la dernière pluie pour ne pas savoir que c'est une impossibilité mathématique. Et puis, ça a été crescendo. Après, dernièrement, on a eu les déclarations sur le mariage des sodomites. Bon, alors, il n'a pas dit que l'Église allait permettre ça, mais il a dit qu'il était en faveur de l'union civile. Il a dit, si un couple homosexuel veut mener sa vie en commun, l'État a la possibilité... de lui donner de la sécurité, de la stabilité, un héritage, et pas seulement aux homosexuels, mais à tous ceux qui veulent s'associer. Et donc ça vous l'apporte, je sais pas, aux pédophiles, aux transsexuels. Voilà. Après, on avait eu quoi? On avait eu le synode de l'Amazonie. Ah, le synode de l'Amazonie, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Bergoglio, donc pour le modernisme moyen, voilà, c'est son pape. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait passer le Pachamana dans les jardins du Vatican, il conduit une cérémonie païenne, il y a tout le monde qui est à genoux prosterné devant l'idole, et ça ne lui suffit pas, après il la mène en procession dans Saint-Pierre. Et attends, pour Pachamama, ça ne s'arrête pas là malheureusement. Du coup, il y a quand même des cathos qui étaient un peu outrés, qui prennent les idoles, donc ces espèces de totems là, de Pachamama, et qui le balancent dans le fleuve, en signe de contestation. En effet. Et l'église officielle, enfin la secte qui est à Rome, s'offusque. Et dit, ah mais c'est pas bien, il faut aller repêcher les idoles. Et ils ont envoyé des plongeurs pour aller repêcher Pachamama, quoi. C'est plus que bon, c'est pas grave, je peux comprendre qu'un catholique, ça l'embête et qu'il ait réagi comme ça. Non, il faut réparer l'affront, quoi. C'est ouais. Le monde à l'envers, quoi. Ouais, ouais. Et sachant que, bon, si on connaît un minimum l'histoire de l'Ancien Testament, on sait à quel point Dieu aime les idoles. Il apprécie quand son peuple se livre, se rapproche, ne serait-ce qu'à. À 10 km du nil en bois. Enfin, il a déjà rasé Jérusalem plusieurs fois pour ça. Mais là, d'un coup, en 2023, ça va. Il faut que les catholiques commencent à lâcher ce principe donné de carte blanche à ses ennemis de l'Église. C'est déjà une défaite considérable pour eux-mêmes. Du coup, le combat a cessé contre les ennemis de l'Église, contre les ennemis de notre Seigneur. Alors, ce libéralisme a progressé, les papes l'ont dénoncé tout au long du 19e siècle, dénoncé ce libéralisme qui s'est transformé en modernisme, en sionisme, en progressisme, tout son droit, et qui a fini par pénétrer toujours davantage l'Église. Saint Pie X l'a prédit dans sa première encyclique, Il n'y a plus seulement des ennemis en dehors de l'Église, il y a des ennemis maintenant à l'intérieur de l'Église. Et où sont ces ennemis? Dans les séminaires. Dans les séminaires. Je dis explicitement, l'ennemi est à l'intérieur des séminaires. Alors, il supplie les évêques de chasser tous les professeurs modernistes. Alors, tous ceux qui se compromettent avec des erreurs, là ici, c'est des erreurs qui sont antichrétiennes, bien de les chasser, évidemment, on comprend bien. Comment les professeurs qui n'ont plus l'idée du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ peuvent-ils enseigner les prêtres et d'être des militants, d'être combattants pour notre Seigneur, pour le règne de notre Seigneur? Comment peuvent-ils leur dire alors qu'ils n'y croient plus? C'est pas possible. Je pense que, ouais, disons qu'avec Wojtyla, enfin, celui qu'on appelle Jean-Paul II, et Ratzinger, c'était plus, disons, c'était plus sournois. Il y avait des choses horribles. Bon, ben, il y avait eu Assise en 86, où Wojtyla ben, appelle toutes les religions du monde à Assise et prie pour la paix. Cette année-là, il avait même placé une statue de Bouddha sur un autel dans la basilique Saint-François. Je ne sais pas si vous êtes au courant. D'ailleurs, il y avait eu un tremblement de terre 11 ans plus tard. La basilique s'était effondrée, tuant deux franciscains et deux autres personnes à l'intérieur. Bon, voilà, tout ça pour dire que c'est un peu un équivalent de Pachamama, mais ça passait un peu inaperçu, parce qu'il y avait, déjà, Wojtyla, il avait cette espèce d'aura, parce qu'il s'était fait tirer dessus, c'était une sorte de rockstar, en fait, donc je pense qu'il, voilà, ça, vis-à-vis de beaucoup de catholiques, ça passait, mais là, Bergoglio, c'est tellement bourrin, entre guillemets, qu'il y en a de plus en plus qui ouvre les yeux et qui, voilà, qui se rapproche de la tradition. Et face à cet exode des fidèles, ben, qu'est-ce que fait Bergoglio? Il promulgue son motu proprio de 2021, et derrière, parce que ça ne suffit pas, parce que voilà, ils sont passés encore par les évêques, surtout aux États-Unis, ben, bam, il repasse derrière et il dit, voilà, vous êtes obligés de passer par Rome. Donc moi, je ne mets pas de Chamama à la basilique Saint-Pierre, mais je sors la messe de Saint-Pie-V, les catholiques fidèles. Tu disais aussi que la fraternité Saint-Pie-X n'allait pas être beaucoup impactée par ça. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un prêtre. C'est de la discipline universelle, ce rescrit. D'ailleurs, si c'est un vrai pape, c'est infaillible. C'est-à-dire ça s'applique à toute l'Église. Tu ne peux pas t'y soustraire. Alors, vous savez très bien qu'ils vont s'y soustraire, parce que c'est ce qu'ils font. Mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Parce que d'un côté, ils se tournent vers les évêques pour leur mariage, et d'un autre côté, maintenant, s'ils veulent pouvoir célébrer la messe en latin, ça concerne juste les prêtres ordonnés à partir de 2021, mais ils sont obligés de se tourner vers Bergoglio, donc ils ne le feront pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour la fraternité Saint-Pie-X dans la pratique? C'est qu'ils disent, oui, tu es pape, mais dans la pratique, ils ne lui obéissent pas. Donc c'est qu'en fait, par leurs actes, ils professent qu'ils ne le considèrent pas comme pape. Et c'est voilà, je vais terminer sur ça, c'est que il nous faut un critère, en fait, pour savoir si cette institution là qui est à Rome est la vraie église ou pas. Et la vraie église, elle est liée au pape, elle est liée à Saint-Pierre. Et on peut pas simplement utiliser un critère un peu protestant de libre examen, c'est-à-dire en disant bon voilà, j'ai vu que il a mis Pachamama dans l'église, donc il est pas pape. Là, en fait, on se centre sur son propre jugement pour prononcer qu'un tel est pape ou pas. Je pense que il nous faut un critère objectif. Et pour moi, ce critère objectif, c'est le fait que la partie la plus saine du corps de l'Église, parce que l'Église est un corps, rejette, ne lui obéit pas. Et la partie la plus saine de l'Église, c'est quoi? C'est la tradition. C'est là que les sacrements sont préservés, c'est là que la foi est propagée. Et cette partie de l'Église, que ce soit la fraternité Saint-Pie-X, que ce soit les CD vacantistes, ne le reconnaît pas comme pape, au moins dans la pratique. Donc c'est le critère, selon moi, qui fait que je me fonde sur ce critère-là pour dire, ben non, il ne peut pas être pape, sinon le corps de l'Église, en fait, obéirait à sa tête. Voilà. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais pour l'instant, c'est bon. Ouais, pas que, c'est aussi au niveau de la doctrine, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est catholique? Oui, on aime Dieu, etc., on lui obéit, mais pour lui obéir, il faut déjà connaître son enseignement, et c'est surtout sur la doctrine. Aujourd'hui, clairement, on voit que la doctrine ce qu'on appelle ce que certains appellent les conciliaires, donc ceux qui acceptent le Concile Vatican II, en réalité, qui est un conciliabule, donc un faux concile, vu qu'il n'y a pas eu un enseignement catholique qui en est sorti, Et bien, en gros, c'est qu'ils ont modifié la doctrine du Christ, ils ont modifié la doctrine de l'Église qui a été enseignée jusqu'au Concile, jusqu'au Conciliabule Vatican II, on va dire. Le Gardien-Béa a fait, pendant les deux années de 60 à 62, des tournées dans le monde entier. Dans le monde entier. Il est allé partout, faire des conférences en faveur de la liberté religieuse. Il a pris des contacts avec les librairies de New York, officielles, enfin, c'était dans les journaux, pas caché. Avec le Conseil œcuménique des Églises, par l'intermédiaire de Mgr Villebrand, avec les orthodoxes russes, la communiste, par l'intermédiaire du cardinal Villebrand aussi, et des contacts officiels avec tout ce monde-là, pour leur demander que désirez-vous du Concile. Les laïcs juifs, francs-maçons, qui sont très nombreux, très puissants, sont maintenant près de 200 000, au moins, réunis dans des loges uniquement juives. Eh bien, la réponse de ce monde-là, c'était donnez-nous la liberté religieuse. C'est-à-dire que l'Église ne soit plus considérée comme la seule vraie religion. C'est tout ce que nous demandons. Si vous nous donnez ça, il n'y a plus de problème avec l'Église catholique. Évidemment, l'Église catholique, c'est sa bordée. Si elle n'est plus la seule vraie religion, elle n'a pas plus le droit d'exister d'une autre religion, c'est la mort de l'Église. Et c'est surtout sur ça qu'on peut se baser, à mon sens, pour définir, pour trouver, pour essayer, en tout cas, de trouver ce qui est catholique et ce qui n'est pas catholique. Et saint Augustin, il disait, un des docteurs de l'Église, « T'as beau être d'accord avec moi sur 99,9% des choses, mais il suffit que tu ne sois pas d'accord sur 0,1% et tu es en dehors de l'Église, tu es un apostat. » Donc, c'est dur à entendre, mais aujourd'hui, effectivement, pour être catholique, je pense qu'il faut étudier la doctrine, comme les papes ont toujours dit à travers l'histoire. Il faut étudier la doctrine et essayer de l'appliquer au mieux. C'est ça que je dis, voilà, on essaie d'être catholique, et on essaye, parce que c'est dur d'être catholique, il faut connaître l'enseignement de l'Église, et il faut agir en conséquence. Donc, effectivement, ce n'est pas parce que Bergoglio, il a mis Pachamama sur un autel. Alors oui, c'est scandaleux, mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut se retourner contre lui. Si on est contre Bergoglio, c'est parce qu'il n'est pas catholique, parce qu'il ne prêche pas la doctrine catholique, parce que c'est un apostat, un hérétique, et qu'on ne peut pas être en union, en communion, on ne peut pas être avec un hérétique. Ce n'est pas possible pour un catholique d'être avec un hérétique. Rex, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Oui, il y a quand même beaucoup à dire, et bon, comme j'ai un esprit synthétique, je vais un peu essayer de résumer tout ce qui peut être dit. Bergoglio professe des hérésies dans son enseignement, ce qui ne ressemble pas au magistère de l'Église catholique. Après, pour qu'il soit hérétique, il faut quand même qu'il y ait un jugement, une condamnation publique par une hiérarchie légitime catholique et tout ça. Mais bon, après, vous me direz, entre hérésie et hérétique, le fossé n'est pas très grand. Donc, tu l'as dit, Bobby, dans l'article d'actualité, c'est vrai que ça faisait une petite année, un peu moins d'un an, que déjà Bergoglio avait resserré la vis, mais c'était les communautés ralliées, donc typiquement quelque chose comme la Fraternité Saint-Pierre, qui avait vécu ça dans la douleur, puisqu'il leur interdisait de citer, dit-on, le rite extraordinaire, ce qui est en effet une insulte un peu à la vraie messe, en fait, puisque le rite ordinaire serait celui de Vatican II et serait la vraie messe, et extraordinaire, un petit bonus à côté, ne serait finalement une deuxième façon de réciter la messe, alors que c'est beaucoup plus la messe de toujours qui est dite à ce moment-là. Quels ont été les résultats et l'application pratique de cet esprit œcuménique après le Concile ? La réforme liturgique. Toute la réforme liturgique a été faite dans l'esprit œcuménique. C'est l'esprit œcuménique. Le père Monseigneur Bonini ne s'en est pas caché. Il l'a dit explicitement dans ses notitiers. Il a dit que c'était l'esprit œcuménique. C'est par le désir de ramener à l'unité l'Église entre les protestants et les catholiques que la réforme liturgique a été faite. Et là, vous voyez, c'est un danger immense. Car toucher à ce que nous avons de plus cher, à ce qui est l'expression la plus belle, je dirais, la plus riche de notre foi, le Saint-Sacrifice de la Messe. Le Saint-Sacrifice de la Messe est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand dans notre foi catholique. Il n'y a rien qui dépasse le sacrifice de la Messe. tout était exprimé pour exprimer notre foi, la foi dans le prêtre marqué du caractère sacerdotal, la foi dans la présence réelle, la foi dans le saint sacrifice de la messe, et non pas dans un banquet ou dans un repas ou dans une communion ou dans une eucharistie quelconque, mais dans le sacrifice de la messe, par conséquent qui exigeait la présence de la victime. Tout cela, donc la présence réelle et le sacrifice de la messe sont deux choses inséparables. Si on supprime le sacrifice de la messe, on en arrivera vite à supprimer la présence réelle, parce qu'il n'y aura plus de raison de la présence réelle. Un morceau de pain partagé en souvenir de la Sainte Cène suffira pour nous unir spirituellement au Christ. Tandis que s'il y a sacrifice, alors il faut la victime présente. Et quelle est la victime? Elle ne peut pas être autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur doit donc être présent sur l'autel pour qu'il y ait véritable sacrifice. Et cela, justement, les protestants le nient. Les protestants nient le sacrifice, et le sacrifice surtout expiatoire, pour la rédemption de nos péchés. Et chose qu'avait rétabli Benoît XVI, aussi par un esprit œcuménique. Chez les modernistes, Bergoglio n'est pas que progressiste, il a aussi un côté tyrannique. Dès qu'il croit à quelque chose, on voit qu'il l'impose. Je trouve qu'il ressemble pas mal à Macron en différents points et même dans le caractère. On l'a vu sur le vaccin, c'était un nouveau Christ, quoi. Il l'a imposé de cette façon-là. Il fallait se faire vacciner si on était dépendant des diocèses. Et pareil, avec le moderniste, il a une logique assez tyrannique, mais c'est une suite logique, finalement. Ça suit son bonhomme de chemin. Soit la version un petit peu plus conservatrice, mais quand même moderniste, Benoît XVI, puisque de toute façon, c'est un grand théologien, entre guillemets, de Vatican II. Donc il a validé le concile. Après, l'herméneutique de la continuité, c'était un petit peu sa pirouette et tout ça. Donc il y avait quelques soucis. Chez les nationaux, on aime bien en partie Benoît XVI, parce que voilà, il y a un passé, il y a un passif, entre guillemets, n'est-ce pas, ne serait-ce que par ses origines, sa jeunesse. même son testament n'est pas horrible. Je l'avais lu, testament de son décès. C'est bien, il y a du patriotisme, il y a du christianisme, mais il y a toujours cette touche très inquiétante qui est issue de Vatican II. Même Jean-Paul II, dans son encyclique entre guillemets sur le rosaire, voilà, il écarte la Vierge Marie, il recentre plus sur le Christ pour faire l'unité des chrétiens avec les protestants. Et il y a toujours ce truc très inquiétant, même qui est présent dans le testament de Benoît XVI, c'est vous dire, hein, c'est même pas Bergoglio, donc Ratzinger. Voilà, ce côté, il parle de Dieu, un peu du Christ, on sait pas trop, enfin c'est indéfini et c'est très inquiétant. Donc voilà, il y a ça, il a resserré la vis déjà, ça fait presque un an, sur les communautés ralliées. C'est vrai que c'était un peu drôle parce que les communautés tradies qui reconnaissaient Bergoglio mais lui résistaient, reconnaître et résister, hein, vous connaissez cette formule, là où la position c'est vacantiste, donc ne reconnaît pas du tout, donc il n'y a même pas cet aspect-là dans le sens où voilà, quand un pape est vraiment pape, donc il faut s'y soumettre comme on se soumettait à Saint Pie X, n'est-ce pas, voilà, là c'est la plus grande autorité humaine sur Terre, et notamment au sein des catholiques. Donc voilà, soi-disant rite extraordinaire, il y a quand même ce sujet-là, et c'est diabolique de confusion, c'est ce qui est très grave dans notre temps. J'ai un petit côté comme Elzinko, où c'est une nouvelle positive, dans le sens où, comme ça se radicalise, ça nous force, ça nous contraint d'être plus clair. Ça, c'est le point positif. Le point qui est diabolique, c'est cette confusion où vous avez des prêtres ordonnés dans le nouveau rite, donc qui n'est même pas le rite de l'Église catholique. Paul VI, ouais. C'est le rite de Montigny-Paul VI. Voilà, c'est ça, donc le rite qui n'est pas celui de l'Église catholique, qui vont donner des vraies messes avec le rite extraordinaire. Vous avez dans l'autre sens des gens qui ont eu un vrai rite, mais qui se remettent à donner de fausses messes. Et en fait, cette confusion, c'est pour ça que je dis que c'est typiquement diabolique, c'est que c'est même pas, voilà, eux c'est des gauchistes, nous on est dans la vérité. Non, c'est vraiment, t'as un peu de tout, c'est la confusion complète, et on s'y retrouve plus. Ce qui fait que pour un pauvre laïc, et des laïcs que nous sommes, hein, on n'est pas devenu prêtre ou quoi, donc on est tout en bas de l'échelle, et même là c'est difficile de s'y retrouver, quoi. Donc finalement, là c'est mieux. L'aspect positif, c'est que ce soit plus net. Ça va toucher un peu plus la Frat Saint Pie X, donc, ou les communautés williamsoniennes, c'est-à-dire toutes celles, je reconnais que Bergoglio est pape d'une certaine mesure, mais je ne lui obéis pas parce que ceci, cela, son enseignement, ça ne va pas. Donc là, il faut quand même directement passer par le Vatican, donc ça va être un peu plus compliqué. Il y a une position frat, bon, qui... s'est muté en position doctrinaire, mais en fait, c'était la praxis de Mgr Lefebvre en son époque, puisque... Oui, mais ils ne le feront pas, ils ne demanderont pas son autorisation. Non, bien sûr. C'est ce que je voulais dire, d'ailleurs, en introduction, en fait, d'un point de vue purement pratique, d'un point de vue doctrinal, ça remue un peu les choses. Hein. Et d'un point de vue pratique, je ne vois pas la Fraternité Saint-Pilice changer beaucoup son quotidien par rapport à cette nouvelle. Quelques mois, je pense qu'ils ne vont pas... Ils vont pas changer la messe, la façon dont ils vont demander l'autorisation, si jamais ils la demandent. Je pense que ça va rien changer du tout. Ben, c'est qu'un avis perso. Vis-à-vis hein, des lieux de culte. Parce qu'il y a, il y a deux volets dans ce rescrit. Il y a celui qui concerne les prêtres ordonnés après 2021, et il y a aussi les lieux de culte utilisés pour célébrer la messe extraordinaire. Alors, je ne sais pas si la fraternité utilise des églises qui appartiennent, enfin, entre guillemets... au modernisme, mais ça peut, là, ça s'applique pour tout le monde. Donc, ils peuvent perdre des autorisations, mais je n'en sais pas plus. Non, à la fraternité, généralement, les églises appartiennent à la fraternité, justement. Donc, ils sont indépendants du diocèse. Enfin, ce qu'on appelle le diocèse, mais voilà. Vous avez compris. D'accord, sauf pour les mariages où ils demandent l'avis, quand même. Pour les mariages, effectivement, s'ils veulent s'installer, parce que, bien sûr, les gens veulent se marier dans une belle église qu'ils ont connue, ou que la famille a connue, que les grands-parents ont connue, donc ils demandent l'autorisation. Et donc il y a un accord qui est effectué, mais j'imagine bien que dans le cas où il n'y a pas d'accord, parce que l'évêque local, il n'a pas du tout envie de se mouiller par rapport à cette question-là, j'imagine bien que du coup, bah, la Fraternité Saint-Pilice dirait aux futurs mariés, bon, bah, on fera ça dans notre chapelle traditionnelle, et puis et pas à la belle église que vous connaissez, etc. Et puis voilà, fin de l'histoire. Hein. Si les gens, après, les futurs mariés, veulent absolument être dans l'église en question... Bah, ils seront obligés d'aller toquer à la porte de l'évêque. Hein. Mais bon, j'imagine que ça date des cas assez rarissimes. Quoi. C'est vrai qu'il y a toujours cette tension entre guillemets populaire avec leurs fidèles, ou de toute façon, quand même, les mots de Mgr Titienne Malleret, donc un des évêques Fraternité Saint-Pilice, c'était un petit peu de dire voilà, nos fidèles n'accepteraient pas certaines choses. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette pression d'une part de Rome et d'autre part de toutes les familles de fidèles qui, de toute façon, sont beaucoup plus en froid. Que leur hiérarchie sur ces questions-là. Donc oui, je pense un peu comme vous que à ce niveau-là, ça ne devrait pas trop bouger. Mais j'expliquais juste que la doctrine lefévriste s'est construite par son action en son temps, et où voilà, d'un côté, il a eu des propos en privé de dire un tel, en fait, il est même pas pape, etc. Parce que c'est impossible selon les paramètres que ça prend. Et je pourrais y revenir brièvement, mais ça venait émaner de Mgr Lefebvre. Après, voilà, publiquement, il a jamais déclarer les choses, et aussi bah, comme Rome petit à petit lui ouvrait les portes de façon un peu maligne, un peu détournée, ça a donné une posture qui est l'entre-deux, quoi. Et encore, il y a un peu deux entre-deux, parce que même dans la tendance cédévacantiste, vous avez le cédéprivationnisme, sans rentrer dans ces conflits internes. Voilà, on reconnaît quand même un semblant d'élection à Bergoglio sans qu'il le soit. Donc on voit que il y a des sujets quand même très complexes qui se mêlent, là où nos théologiens ne sont pas d'accord, un petit peu comme les médecins sur le vaccin et la crise Covid. Quoi. On a un grand bazar à l'heure actuelle, et ça, c'est ce qu'on appelle la crise de l'Église, mais qui est une expression très imparfaite, puisque l'Église, en tant que société parfaite et à titre surnaturel, est parfaite de toute façon, en tout lieu, en tout temps. Elle dépend du Christ, de la grâce et tout ça. Donc c'est une innovation un peu tradie, d'utiliser des termes traditionnalistes, crise de l'Église, etc. Mais c'est vrai que ça nous aide, nous, en tant qu'humains, à comprendre un peu mieux les choses. Voilà, on dit ça un peu une crise à échelle humaine, en fait, en quelque sorte. C'est une thématique un petit peu moins surnaturelle. Il y a certains, par exemple, l'abbé Glaise, j'ai entendu une conférence où, en fait, il disait plus ou moins que la position de la frate, ben, ça ne pouvait pas vraiment fonctionner, parce que voilà, bon, le pape, c'est lui qui confirme la foi, ce n'est pas les fidèles qui confirment la sienne. Pareil, il disait que pour le GC de vacances, ça posait aussi problème par rapport à la succession apostolique, etc. Et il disait, voilà, à ce jour, en fait, il n'y a pas de solution théologiquement, donc sur le plan surnaturel, parce que l'Église, elle a des caractères divins qu'il faut respecter. Et la solution à cette crise doit respecter ces caractères-là. Il finit par dire qu'il n'y a pas de solution qui respecte tous ces caractères-là. Et moi, je trouve que c'est un énorme problème de dire un truc comme ça, parce que comment tu convertis quelqu'un? Tu dis oui, ok, la religion catholique, c'est la vraie religion, devient catholique. Par contre, attends, mais juste, il y a une crise, et par contre, il n'y a pas de solution. Donc, en fait, la religion est fausse, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça va un peu plus loin qu'un simple problème de pratique. On a un vrai problème, un peu comme un problème d'algèbre, Et la foi, en fait, nous dit qu'il doit y avoir une solution. Alors, il y en a certains qui s'en réjouissent, en fait, c'est les impies. C'est vrai, il y a beaucoup, surtout dans les milieux nationalistes, il n'y a pas que des catholiques. Et eux, ils voient que c'est le bordel à Rome. Et ils sentent quelque part, il y a une partie en eux-mêmes qui s'en réjouit, en fait. Oui, voilà. Donc, du coup, je peux me livrer à mes vices privés, je peux faire. Voilà. Mais en tant que catholique, on ne peut pas, si on veut rester catholique, il faut maintenir nos dogmes. Et donc, il faut aller chercher cette solution quelque part. Alors, moi, je voulais juste, si vous permettez, pour abonder un petit peu dans le sens de ce que je disais, dans le sens que c'était une bonne nouvelle. Pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle ? Parce que, en tant que chrétien, on a la parole de Dieu, on a les Saintes Écritures. Et dans les Saintes Écritures, il y a des choses qui nous concernent. Il y a des prophéties. Et c'était aussi vrai pour les Juifs de l'Ancien Testament, surtout quand ils avaient des problèmes. Je pense particulièrement à la captivité de Babylone. La captivité de Babylone, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des Juifs qui sont établis à Jérusalem, qui ont le temple de Dieu qui a été bâti par Salomon, qui ont déjà des prophètes, ils ont déjà Isaïe, ils ont les avertissements des prophètes pour ne pas retomber dans l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils tombent dans l'idolâtrie. Et pour les punir, Dieu y suscite Nabucodonosor. Donc c'est le roi de Babylone, en fait, c'est un des plus grands conquérants de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il vient à Jérusalem, il a réduit en cendres, et le sanctuaire de Dieu aussi. Il récupère tous les trésors qu'il y a dans le sanctuaire. Moi, j'y vois un parallèle avec la situation actuelle, parce que on a eu aussi beaucoup de miracles et d'avertissements, nous, en tant que catholiques. On a eu des thaumaturges incroyables au XIXe siècle, on a eu le curé d'Ars, on a eu les apparitions de Marie. On a eu beaucoup d'avertissements dans ces apparitions, on a même eu des prophéties. Fatima prophétise en gros la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On est tombé dans l'idolâtrie. Parce que qu'est-ce que c'est que cette société actuelle individualiste, matérialiste ? C'est une idolâtrie du moi. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu, il nous a envoyé un Nabucodonosor qui a mis la main sur le temple de Dieu, sur la basilique Saint-Pierre, et qui a emmené le peuple de Dieu captif. Parce que arrête, l'ami, tu es en train de dire qu'on ne vaut pas mieux que les Juifs, c'est trop dur à supporter. C'est pas ça que je dis, mais c'était une figure. Je plaisante. Les Juifs, c'était le peuple de Dieu. Bon, ils ont changé depuis, c'est plus les mêmes. Mais c'était le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est les catholiques. Et est-ce que nous, on a aussi les prophéties ? Parce que tout avait été prophétisé. Isaïe l'avait prophétisé 200 ans avant. Isaïe, il est né en moins 765. La captivité de Babylone, c'est au 5e siècle, il annonce tout. Isaïe écrit avant la déportation. Et il annonce déjà la mort de Nabucodonosor, du roi de Chaldée. Et dans cette vision, il va même nous décrire la chute de Satan. Incroyable. C'est la puissance de ces prophètes. Et au jour où Yahvé te fera reposer de ton labeur, c'est la déportation et la catastrophe d'Israël, et de tes anxiétés, de la dure servitude qu'on t'avait imposée. Tu entonneras cette satire contre le roi de Babylone et tu diras, tu pourras chanter. Voilà. Comment a fini le tyran, Nabucodonosor ? Comment a cessé l'oppression ? Yahvé a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Il frappait avec fureur les peuples, de coups sans relâche. Dans sa colère, il tenait les nations sous son joug. Par une persécution sans répit, toute la terre est en repos, elle est tranquille, elle éclate en cris d'allégresse. Les cyprès même se réjouissent de ta chute avec les cèdres du Liban. Depuis que tu es couché là, personne ne monte plus pour abattre. Le Sheol dans ses profondeurs s'émeut à ton sujet. Il s'agit du roi de Babylone. Le Sheol dans ses profondeurs s'émeut à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il réveille pour toi les ombres, tous les monarques de la terre, de tous les monarques de la terre, et fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prennent la parole pour te dire, « Toi aussi, tu es déchu comme nous, et te voilà semblable à nous. Ton faste est descendu au Sheol, avec le son de tes harpes, sous toi sont répandus les vers, et la vermine est ta couverture. » Voilà pour le roi de Babylone, voilà ce qui va lui arriver. Il annonce que c'est le roi de Babylone qui va venir, qui va tout prendre, qui vont ravager toutes les nations autour aussi, l'Égypte, la Syrie, etc. Et il annonce comment ça va se terminer. Il annonce que c'est Cyrus, il nomme Cyrus. Cyrus, Il est nommé par Isaïe 200 ans avant sa naissance. Et c'est Cyrus qui viendra et qui détruira Babylone, en fait, qui tombe en un jour, alors que c'était, elle paraissait invincible, un peu comme les modernistes aujourd'hui peuvent paraître invincibles. Elle tombe en un jour. Et là où je veux en venir, c'est qu'on a un équivalent dans l'Apocalypse. On a une grande prostituée, on a une femme vêtue de pourpre et d'écarlate dans l'Apocalypse. Alors bon, si vous pensez à Rome, les évêques qui sont vêtus en écarlate, les évêques sont vêtus en pourpre et les cardinaux en écarlate. On nous dit que cette grande prostituée, elle a dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations. Ces gens, ils font semblant de célébrer la messe avec une coupe d'or. Elle est assise sur cette montagne. C'est quoi qui est assise sur cette montagne, sur cette colline? C'est Rome. Et bon, on nous annonce aussi dans l'Apocalypse que Babylone, cette Babylone-là, va tomber. On nous annonce même combien de temps elle va durer, 42 mois. Bon, après, les mois, ça ne va pas être des mois, ça va être des années. Ouais, mais... c'est les périodes un peu chez les Juifs, quoi. Hein. On ne sait pas trop estimer, c'est pas le mois, 31 jours, etc. Comme, oui. Ça correspond à une période, ouais. Il ne faut pas essayer de voir un déroulement historique de l'histoire selon les chapitres de l'Apocalypse, les visions qui se suivent, subséquentes. Vous avez plein de chrétiens aujourd'hui qui prennent une phrase de l'Apocalypse et puis qui disent, ben voyez, on en est là maintenant. Mais vous ne trouverez pas un canevas, un fil d'Ariane dans l'Apocalypse selon les 2000 ans du christianisme déjà écoulé. Vous ne trouverez pas ça, ça n'existe pas. Alors quelques-uns nous disent, mais le chiffre de la bête s'étend, voilà, 666, la pyramide du Louvre, il y a 666 carreaux, et puis ceux qui n'ont pas le chiffre de la bête sur leur front ne peuvent plus ni acheter ni vendre, alors c'est les bitcoins, non mais, il faut arrêter, là on est en pleine fantaisie. Là. Il avait annoncé que la captivité durait 70 ans. Donc moi je vois un parallèle en fait, je vois une figure dans la captivité de Babylone, de notre captivité actuelle. Et ce n'était pas un châtiment de rigueur, c'est-à-dire que Dieu, il n'a pas envoyé les Juifs en captivité. Nous, il ne nous envoie pas en captivité chez les modernistes pour nous y laisser pour toujours. Parce qu'il nous aime, c'est un châtiment paternel. Ça va s'arrêter. Et il nous est marqué dans les Écritures un temps. Donc moi, je relis cet événement du rescrit. Voilà, je vois qu'il y a quelques ruines qui commencent à apparaître. Et voilà, moi, j'attends de voir ce qui va se passer après. Oui, donc c'est vrai que les prophéties sont une chose et on peut s'en nourrir, mais j'allais dire, même ne serait-ce qu'avec l'enseignement du magistère, du droit canon, des choses comme ça, on peut aussi et surtout avoir des réponses sur la question actuelle. Mais tu fais bien de dire que c'est bien compliqué et des questions se posent peut-être plus profondes qu'on l'imagine au monde tradi, entre guillemets, en général, bon, ça veut dire aux catholiques tout court. Donc il y a l'indéfectibilité de l'Église aussi, donc son essence doit être édurée, c'est une société parfaite et elle peut trouver en elle-même les moyens de se sauver. C'est là où on se dit, bah, du coup, il y a forcément des solutions et en interne, on n'a pas besoin de non-catholiques, de modernistes qui baignent dans l'hérésie et tout ça pour se sauver en tant que... Église du Christ, etc., puisque c'est une société parfaite, par exemple, aussi ce qui défend un petit peu l'infaillibilité pontificale, que personne ne nie. Certains peuvent la minoriser un peu, mais personne ne nie ce dogme, puisque c'est un dogme. Et quand le Christ enseignait depuis la barque de Saint-Pierre dans l'Évangile, et il l'a fait à quelques reprises, à chaque fois, c'est la préfiguration du Saint-Siège, en fait. Donc, quand vous dites un pape enseigne une hérésie, mais c'est bien, ça va, aucun souci, etc., vous contredisez cette histoire et également votre acte de foi, puisque l'Église ne peut pas se tromper, ne peut pas nous tromper, le Christ ne peut pas, et le Christ est son Église, tout simplement. Donc voilà, soit on est dans le vrai, soit on est dans la vérité, soit on ne l'est pas. Et ça, c'est un truc qui n'admet pas d'émotion, en fait. Voilà, c'est la raison pure, c'est oui ou non. On a un petit côté intelligence artificielle, là, ça bascule sur true ou sur false. C'est vrai ou faux. Il y a un petit côté comme ça. Et dans cette indéfectibilité de l'Église, c'est vrai que il n'y a pas de délai d'absence d'un pape. En soi, les catholiques, entre guillemets, sont cédés vacantistes le temps d'une réélection. Quand le siège est vide, les prêtres récitent la messe en union avec le Saint-Siège en attendant qu'un nouveau pape soit élu et arrive pour le citer en union avec lui et également l'évêque local. Voilà. Donc il y a cette importance-là et quand même du chef visible de l'Église qui, quand il enseigne, il est assisté du Saint-Esprit et c'est un peu comme si le Christ enseignait, de même que quand le prêtre vous confesse, c'est par l'intermédiaire du Christ. Donc il y a quand même quelque chose, je veux dire, qui est très fort, très puissant et radical d'une certaine façon. vraiment mondialiste. Je pense que l'Église, c'est une société ecclésiale, donc elle, en fait, elle nous mène à une fin qui dépasse la nature, mais sur le plan politique, on est nationaliste. On peut pas. Moi, je pourrais pas me dire mondialiste, éventuellement. Oui, en fait, oui et non. C'est-à-dire, même Pie XII, qui est un vrai pape pour le coup et que personne ne conteste, soutenait les initiatives de l'ONU. Donc après, ça a donné quelque chose. Il n'en était pas responsable. Et puis, voilà, un peu de franc-maçonnerie, un peu de machin se mélange, ça n'a rien à voir avec nous. Mais en soi, sur le principe, un monde organisé de nations, etc., et même dans le nationalisme ou le patriotisme, bah, c'est une chose très bon et à favoriser. Même le racialisme, pourquoi pas. C'est vrai que le racisme est un mot un peu fort quand même, mais toutes ces choses-là sont des vérités de l'ordre naturel qui peut être bon de conserver, c'est pas mauvais, au contraire, quoi. Donc après, c'est toute une question un peu de jauge, de juste milieu, voilà. Après, sur les thématiques entre Saint-Pierre et le Christ aussi, j'aurais dit, on parle souvent des reniements de Saint-Pierre, ce qui là n'est pas une hérésie. C'est un manque de courage, de profession de la foi, au moment où il y a une telle pression qu'il allait finir sur la croix, sur l'échafaud, avec le Christ. Donc c'est un peu différent entre hérésie et manque de courage, de profession d'une foi publique, à un moment donné, un petit peu comme les prêtres qui ont dû jurer à la Révolution, ou des choses comme ça. Ce sont deux thèmes assez différents. Mais voilà, comme je disais, elle a en elle-même les moyens de se sauver, et si le pape est le vrai pape, on est censé... Voilà, il y a une obéissance filiale. C'est pas les évêques prétendent corriger le pape parce qu'il a dit des bêtises dans Amoris Laetitiae. S'il est vrai pape, normalement, on est un peu ses fils, quoi. C'est un peu l'autorité du père. Il faut quand même. Mais pour pas attirer à boulet rouge non plus sur la fraternité Saint-Pie X dans ce bazar, c'est évident que même en milieu cédévacantiste qui, je pense, ont compris 2-3 points un peu mieux que les autres, il peut y avoir quand même des soucis, sans aller trop loin, là je monte un peu crescendo, mais d'avoir une tendance assez phale, quoi. Limite, certains prêtres peuvent avoir aucune autorité, même pas un évêque, voire les mépriser, alors que je veux dire, pour avoir son ministère, vu qu'on n'a pas le droit au mandat romain, etc., avoir un évêque dans sa hiérarchie, c'est quand même le strict minimum, et devoir rendre des comptes à ses frères qui sont égaux entre prêtres, pouvoir se confesser l'un l'autre, ça peut aussi offrir une certaine garantie, une certaine mentalité ecclésiale, voilà. Mais oui. Bon, j'espère oui, que je suis d'accord avec toi, parce que si tu disais tout à l'heure, il faut un pape, quoi, dans l'Église. Tu peux pas être cédévacantiste, enfin, c'est pas une position acceptable de te définir par rapport au fait qu'un siège est vide. C'est pas... Tu ne peux pas rester sur ça. Oui, quoi, oui, on n'est pas attaché à une chaise, à une tête décapitée ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit un petit peu plus poussé. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que voilà, dans le credo, il n'y a qu'une seule Église. Donc l'argumentaire église conciliaire et église tradis, c'est assez bancal. Il n'y a pas de nouvelle église, nouvelle théologie, comme on entend trop souvent dans la bouche des prêtres dits tradis, donc Christ-Roi, Saint-Pierre, oui, mais... Saint-Pie X, etc. Et c'est même Vatican II. Vatican II, ils font une nouvelle église, nouveau rite, etc. Ouais, à partir de Vatican II, effectivement, ils définissent eux-mêmes, comme ils disent, la nouvelle église. Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Elzinko. Il a parlé de la conférence là, de l'abbé Glaise. Donc l'abbé Glaise, c'est un des abbés de la fraternité, c'est une des têtes de la fraternité, il a assez de poids dans la frate. Il me semble que cette conférence, elle avait pour nom « Faut-il prier pour le pape ?». Une conférence très intéressante, et il avait soumis deux solutions à ce que lui appelle, à ce que la fraternité appelle la crise de l'Église, mais tu as très bien dit, Rex, il n'y a pas vraiment de crise dans l'Église, c'est juste un concept pour qu'on comprenne qu'il y a un problème avec des usurpateurs. En gros, il disait, il y a deux solutions. Soit on est donc à la frate Saint-Pie X, qui est, on obéit au pape, on le reconnaît, et on lui obéit de temps en temps, quand ça passe à travers le tamis de la frate Saint-Pie X, et que là, on juge que c'est catholique, sur le reste, on ne lui obéit pas. Soit on est cédévacantiste, complet, conclaviste. Et donc, il a quand même pas mal étudié le sujet, parce que c'est vrai que chez les cédévacantistes, il y a plusieurs courants, il y a pas mal de sectes aussi, hein, c'est une réalité, c'est pas parce qu'on est cédévacantiste qu'on est catholique. Et donc, il avait bien ciblé le cédévacantisme complet, conclaviste. Et sachant que lui, bah forcément, il a opté pour ce qu'ils appellent, eux, l'option prudentielle, donc la phrase Saint-Pédis, sachant que la prudence, normalement, c'est de faire la volonté du bon Dieu. C'est pas, c'est pas d'avoir, de ne pas trancher vraiment, d'avoir le cul entre deux chaises, quoi, ce qui est aujourd'hui un peu la phrase Saint-Pédis. Donc à voir comment ça évolue, sachant que les fidèles de la frappe n'ont pas forcément le temps de se renseigner sur tous ces sujets, qu'au premier abord, ils seraient plutôt tendance à des vacantistes, mais que très vite, ils sont rappelés par les prêtres, le clergé, etc. Souvent avec cet argument, donc tu l'as cité, Rex, oui, mais regardez, Saint-Pierre, il a nié le Christ trois fois, alors que c'est une faiblesse humaine et ce n'est pas lié à un problème doctrinal. Saint-Pierre n'a pas enseigné une fausse doctrine, une mauvaise doctrine, donc il n'est pas hérétique. Sachant qu'il y a aussi un autre argument phare. Le mauvais père. Du mauvais père. On me l'a sorti ce week-end. Oh là là, mais quelle horreur. Mais regarde, ton père, même si c'est un alcoolique qui te frappe et tout, ça reste ton père, donc tu lui dois voilà, l'honneur, le quatrième commandement, honorer ses parents, etc., etc. Exode, chapitre 20. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bah en fait, mon père, il a pas eu les promesses de l'infabilité pontificale. Il n'y a que le pape qui est là. Donc, il n'y a que le pape qui est parfait pour enseigner et pour diffuser la doctrine catholique. Mon père, il ne l'a pas. Donc, en fait, il y a une différence. Quand les prêtres utilisent cet argument, il est complètement faux. Et il y en avait un troisième en ce moment qui s'est développé, qui est à la mode, si j'ose dire. Hein. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas trop. C'est celui de la visibilité. En sens où, oui, il faut l'Église d'une société parfaite, comme tu l'as dit, Rex, hiérarchisée. Donc, forcément, il y a une visibilité. Il y a un chef visible. Sous ce chef, bah, le pape, on a les cardinaux, les évêques, les prêtres, etc. Donc, eux, à chaque fois, ils parlent de la visibilité de l'Église, dans le sens où, dans une situation normale, classique, où il y a un pape avec des évêques, les cardinaux, les prêtres, etc., et tout en dessous, on va dire, les fidèles, ce que le conciliabule Vatican II appelle d'ailleurs le peuple de Dieu, quoi, hein, qu'on retrouve énormément dans ce concile. Bref, on passe à un autre sujet. Du coup, voilà, je pense que l'argument aussi de la visibilité, vous pouvez le rejeter, parce qu'en fait, qu'est-ce que l'Église catholique? C'est la communauté des croyants. Et en fait, à partir du moment où il y a un catholique sur Terre qui professe la foi catholique, l'Église est toujours présente, et elle est toujours parfaite, et elle est indéfectible, comme le disait Rex, donc elle va durer jusqu'à la fin des temps. Donc aujourd'hui, bah, on a une phase où effectivement, on n'a pas de chef visible, le grand chef à la tête de l'Église, mais il y a toujours des évêques catholiques qui sont là, qui existent, et donc il y a des prêtres, et donc il y a des fidèles, etc., etc. Oui, c'est le Christ qui disait, si vous réunissez à quelques-uns, que vous priez, je suis au milieu de vous. Matthieu. Chapitre 18. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc en soi, quand bien même il n'y aurait plus de ministre de Dieu, bon, nous espérons pas cette situation, ça c'est clair, mais voilà, oui, elle continuerait de perdurer parmi le peu de gens qui subsisteraient. Après, les thématiques, c'est vrai, on en a cité une, bon, il y a Honorius Ier, il y a tous ces trucs, ça c'est quand on fait nos premières armes, on essaye de se pencher sur ces sujets. Il y a aussi Saint-Pierre le judaïsant, puisqu'il se demandait s'il fallait pas garder les anciennes lois juives, et Saint Paul l'a corrigé en disant que non, voilà, dans l'accomplissement de la loi, ça n'était plus nécessaire comme l'enseignait le Christ pour des raisons logiques face aux pharisiens et aux scribes, entre autres choses. Ouais, mais on voyait bien que Saint-Pierre, il se posait encore des questions, il se demandait justement quel est son enseignement sur ce sujet. Une fois que Saint Paul a réussi à le convaincre, et ben il a enseigné ce que Saint Paul lui a dit. Et donc c'est ça qui compte. Toute la phase de réflexion, etc., ça ne nous intéresse pas vraiment en tant que catholique. On ne va pas s'accrocher à la phase de réflexion. On va s'accrocher à l'enseignement qui est infaillible. Exactement, oui. Donc d'où la nécessité de la controverse et pas le débat. Le débat démocratique, c'est deux gars dans la cage qui s'insultent à tour de rôle. Là, la controverse, voilà, chacun expose pendant 1h30 son point de vue, tac, tac, tac, et puis à la fin de l'échange, ça produit quelque chose. Et là, ça peut aider même un pape à trancher tel ou tel sujet. Et tu as eu raison également sur l'excès de prudence qui peut confiner à l'imprudence, finalement. Un espèce d'attentisme où on change jamais sous peur que... les fidèles n'acceptent pas, que ce soit trop radical, que ça nous fasse couper des liens avec Rome. Ça... Bon, après, il y a 1000 raisons humaines d'agir de la sorte, mais malheureusement, c'est pas une très bonne idée. Je voulais revenir sur le deuxième argument qu'a émis Dédé sur l'argument du mauvais père. Peut-être que, je sais pas, c'est une supposition, peut-être que cet argument, il revient de plus en plus, que moi j'entends souvent, par rapport à nos façons de s'exprimer. On va dire chez les tradis. J'entends souvent des gens qui commencent, qui parlent d'infaillibilité pontificale, qui commencent des phrases par « Le pape est infaillible, sauf blablabla bla ». Bla bla. Ah, moi, je suis en désaccord total. C'est pas bien de présenter les choses comme ça. Je pense que c'est bien plus juste de dire que le pape n'est pas infaillible, sauf blablabla. Il est pas, voilà, c'est une infaillibilité, c'est pas un domaine courant non plus, quoi. Surtout maintenant, si on prend par exemple, prenons François, mais prenons n'importe quel autre, d'accord. On peut même prendre Pio si vous voulez, peu importe. Ce sont des gens qui s'expriment publiquement, quotidiennement, mondialement, d'accord. Je suis désolé, si Pio il dit, je pense que l'OM c'est meilleur que le PSG, il dit n'importe quoi, ou l'inverse, on s'en fout. Ok, c'est pas infaillible, il a le droit de préférer la vanille au chocolat aussi. Faut faire gaffe, je pense. Je pense qu'on a trop de mauvais réflexes là-dessus, à se dire, ok, le pape est tout le temps infaillible, sauf dans certains cas. Non, c'est l'inverse qui est plus juste. Le pape n'est pas doté d'impeccabilité, c'est-à-dire qu'à la limite, il a une condition qui est la même que la nôtre, qui est la nature humaine, et donc c'est un pauvre pécheur, d'une certaine façon, on pourrait dire ça aussi. Mais voilà, il y a l'infaillibilité qui concerne son enseignement public, et évidemment, sur des sujets de foi, et pas est-ce qu'il faut parier sur le PSG ou le PMU, quoi. Excusez-moi, j'étais en panne d'argument, d'exemple, voilà. Mais bon, vous avez compris le... On t'a compris. Pardonne. Ça serait plutôt parier sur Pachamama ou sur les prophètes. Ouais, je voudrais aussi revenir sur le deuxième argument du père, parce qu'il m'a été sorti ce week-end. Alors, j'ai été par un prêtre. Alors, je vous avoue que je suis resté estomaqué, parce que j'ai même rien répondu, parce que je dis ça sert à rien. Mais en fait, même un père, sur le plan naturel, s'il fait n'importe quoi, il peut être déchu de ses droits parentaux. Donc oui, en plus, il y a le fait que le père, il n'a pas reçu un caractère d'infaillibilité comme le pape, mais même le père, s'il fait n'importe quoi, ben, son enfant, il ne le voit plus. Donc c'est bon. Après, sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant la visibilité de l'Église, il y a juste une chose par rapport à l'indéfectibilité, elle est aussi indéfectible dans sa juridiction. Donc si on n'a plus de pape et plus d'évêque du tout, il y aurait un problème. En particulier pour l'Église de Rome, parce qu'il y a une indéfectibilité particulière de l'Église de Rome. C'est-à-dire on peut pas, le pape il est élu par le clergé romain, et si jamais vous avez tout le clergé romain qui est décimé, qui disparaît, vous ne pouvez pas la refaire sortir de terre, en fait, comme ça. C'est un bon exemple que tu mets en avant, et alors moi j'ai une nature qui est trop optimiste, c'est une personnalité qui est comme ça, constamment trop optimiste, qui est une faiblesse hein, d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai l'impression que je me dis finalement le temps va toujours soigner les choses, peu importe le problème. Et malgré, voilà, je suis quand même conscient de ma faiblesse, et malgré ça, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi qu'on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que les chrétiens ont vécu des périodes qui sont vraiment terribles, que l'on peut juger de manière objective bien pire que celles que l'on vit actuellement. Je pense particulièrement à l'arianisme, si vous analysez comme ça l'arianisme, et que vous mettez un peu dans la tête des gens à cette époque. Alors, Arius, hein, d'accord. N'allez pas dire dans les commentaires, oh là là, quel rapport avec Adolf Hitler, Arianisme, Arius, hein, ok. Ouais, je suis déçu, ouais, moi j'aurais préféré que ce soit Unacrum, Hitlerum et tout ça, ouais. On y viendra peut-être. Non, avec Adolf Hitler, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Voilà, je préfère préciser. Si vous analysez cette période-là, vous vous dites c'est foutu. Déjà en termes de nombre, en termes de doctrine, les moyens humains qui étaient mis en place pour détruire l'Église catholique, vous vous dites bon là c'est foutu. Le monde il va partir à rien et il y aura plus de retour en arrière. Et comme disait justement Elzinko, bon bah si jamais il y a aucun prêtre, plus aucun évêque qui est catholique, vu qu'on peut plus, il y en a besoin d'un évêque pour faire notre évêque. Ça y est, on est bloqué, c'est foutu. Je pense, toute objectivité, et j'essaie quand même de prendre du recul, qu'on est quand même assez loin de l'arianisme actuellement, d'accord ? On a quand même le droit d'avoir aussi de l'espoir et de se dire, d'accord, c'est peut-être la zizanie, mais peut-être que aussi dans une génération ou deux, on y verra plus clair. Ce qui est embêtant, c'est que, bon, l'arianisme, c'est une hérésie qui est un peu grossière. On la voit quand même venir. Alors que le modernisme, c'est une hérésie qui est quand même plus subtile, d'accord. C'est moins criant. Ça, c'est un souci. Mais voilà, il y a quand même pas de personne quand même va nous va nous kidnapper dans la rue pour nous jeter dans la fosse aux lions parce qu'on est catholique non plus. Alors que, c'est sûr, mais il faut garder la foi. Le problème, c'est que même si tu es dans la fraternité, ça induit une psychologie, la position de la fraternité. Tu vois, la psychologie, c'est quoi? C'est qu'au final, ben, j'ai pas besoin du pape. Tu vois, pour eux, en fait, ça peut durer comme ça pendant encore 4000 ans. Ça pose pas de problème. Ben, à la fin, tu poses la question, est-ce que je suis vraiment catholique? Tu vois, si je pioche dans ce que dit Bergoglio, ah ça va, c'est catholique. Ah ça, non, c'est pas catholique. Mais en fait, le pape, c'est qui? Ben, c'est toi. Tu vois. Chez les sacerdotes aussi, il peut y avoir ce même problème, hein, de dire j'ai pas besoin du pape, on peut rester comme ça pendant des décennies. Finalement, c'est un point commun à tout le spectre tradit, sauf se rallier, évidemment. Je voulais aussi revenir sur un... Je rebondis un peu, je fais un gros retour en arrière parce qu'on a évoqué le sujet il y a environ 10 minutes, Zinko l'a évoqué, sur cette histoire de fin des temps. Encore une fois, je vais donner une interprétation assez personnelle quand on a parlé de l'Apocalypse, d'accord ? Donc, vous avez le droit de dire dans les commentaires, Bobby il se trompe, ça va vraiment donner des crétins. Okay, petit moment eschatologique. Non, mais voilà justement, faut pas oublier que les premiers chrétiens, ils pensaient que la fin des temps allait arriver là tout de suite, là, dans quelques heures après-demain, même demain j'ai envie de dire. Et ils en étaient convaincus. Et qui sait quand va arriver la fin des temps? Moi je sais pas, personne n'a la réponse. Et d'ailleurs, Qui Mais aujourd'hui, des gens dans notre milieu attendent le grand monarque, par exemple. C'est à peu près similaire. Non, mais c'est voilà. Pratique, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire la fin des temps, peut-être qu'elle arrive. Ça va avec l'attentisme. Peut-être qu'elle arrivera après-demain, peut-être que dans un siècle. Celui qui donne une réponse à cette question, c'est un menteur. Personne ne sait. 1000 est une chose incalculable. Alors attention, il y a des gens qui vont prendre au pied de la lettre les 1000 ans de... les 1000 ans du règne du Christ. Et donc, la terreur de l'an 1000, les 1000 ans sont passés et c'est là va être la fin du monde. Eh ben non, 1000, c'est un chiffre indénombrable, donc il ne faut pas l'arrêter à 1000. 1000 ne s'arrête pas à 1000, et ainsi de suite. Oui, mais là, ce n'est pas vraiment la fin des temps. C'est la fin de la crise, c'est la fin de ça, de cette crise, de cette grande prostituée, de cette Babylone où il y a toutes les idoles, où il n'y a pas de chapelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle Babylone, en fait. C'est que c'est l'église conciliaire, quoi. Il y a toutes les idoles du monde qui sont à l'intérieur. La question, c'est quand ça se termine, parce que si ça continue encore 3 générations, en fait, c'est notre religion, elle est fausse, quoi. Donc, attention, les Japonais, ils ont vécu sans prêtre, ils ont été évangélisés, et ensuite, après divers événements historiques, ils ont vécu sans prêtre pendant plusieurs siècles, mais ça ne les a pas empêchés quand même de continuer à être catholiques pour une certaine minorité d'entre eux. Et je pense que de leur point de vue, sur leur île, ils disaient « là, ça y est, on a dévié, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire ». Et puis en fait, on voit que maintenant, en 2023, les choses sont peut-être un peu moins... Encore une fois, c'est ma nature optimiste qui s'exprime là, mais les choses sont peut-être un petit peu moins graves. Parce qu'en fait, on a le nez dedans aussi tous les jours. Vous savez, moi, je fais des recherches Google sur un peu les thèmes religieux, notamment avant de participer à cette émission pour se remettre à jour. Et donc, dès qu'il y a une dépêche qui tombe, par exemple, sur François, je la vois en premier. Et à chaque fois, avant de cliquer, je suis comme ça, oh là là, qu'est-ce que je vais lire encore? Est-ce qu'il va encore nous mettre la honte? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'on entretient aussi un climat de désespoir qui est mauvais. Mais on n'y peut rien parce que, finalement, quand on regarde la situation, on a... Ok, d'accord, c'est lourd, quoi. C'est lourd, on aimerait bien ne pas la vivre. Mais oui, c'est une imagerie publique des catholiques, mais foireuse. Ça pose même la question de l'Unacum, un peu d'être lié ou non à cette personne, n'est-ce pas? Mais en tant que... Avec tout ce que je disais, on est des laïcs, on est au plus bas de l'échelle. En plus, il faut quand même attendre une condamnation publique de la part de la hiérarchie légitime de l'Église pour savoir que c'est vraiment interdit de le faire ou quelque chose comme ça, comme ça a pu arriver dans l'histoire de l'Église où on pouvait être relié par un évêque du lieu douteux tant qu'il n'avait pas été condamné. Par contre, à partir du moment où il était condamné, tous les prêtres et l'évêque du lieu devaient ne plus le citer ou réciter au canon de la messe, par exemple. Mais on se défausse un petit peu de cette image de ce que peut faire Bergoglio, dans le sens où on sait que, comme disait Elzinko, c'est l'église de toutes les religions et que c'est pas le catholicisme. Mais c'est vrai que ça induit des argumentations supplémentaires de dire c'est pas des catholiques, c'est nous, etc. Et donc, il y a un petit point de faiblesse qui, tant que la situation n'est pas réglée hiérarchiquement par nos évêques, entre autres choses, on est un petit peu Voilà, faut faire son salut, ça change pas, mais il y a une situation d'actualité, de politique un peu embêtante. C'est sûr que pour l'apostolat, c'est un peu moins évident quand les gens pensent que l'Église catholique, c'est les conciliabulaires et que leur chef, c'est Bergoglio, quoi. Mais bon, à partir du moment où quelqu'un recherche vraiment Christ, en fait, le bon Dieu lui envoie les grâces et forcément, ils vont arriver chez ce qu'on appelle les tragis et vont pouvoir commencer à faire leur propre cheminement. Sinon, un peu pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, Bobby, tu parles du désespoir, que tu es de nature plutôt optimiste. Moi, je pense que tout catholique doit être optimiste, que c'est un devoir, parce qu'on a l'espérance, la vertu d'espérance, qui nous enseigne qu'en fait, si on meurt en état de grâce, que si on meurt en combattant pour le Christ, si on meurt en appliquant les enseignements de l'Église, ben en fait, on ira au paradis. Et finalement, c'est bien ça le principal pour nous, catholiques, c'est de mourir en état de grâce et d'avoir vécu le plus possible de manière catholique au cours de notre vie et encourager notre famille, nos camarades, notre clan à vivre de cette manière. Donc je pense que là, effectivement, plus le temps passe, plus la nature humaine se dégrade. Donc plus on va avoir des choses horribles, voilà, les transsexuels, les anabaptistes, LGBT, PD, plus, etc., etc., comme on a pu dire. Mais au final, il faut garder la foi chevillée au corps, il faut la connaître, il faut l'étudier, il faut la pratiquer, et on va mourir en état de grâce pour Jésus parce qu'on l'aime, et c'est ça qui fait que c'est une réelle victoire, et donc qu'on a l'espérance. Et Babylone finira par tomber. Et Babylone finira par tomber, et peut-être qu'on sera même des acteurs de la chute de Babylone en mettant des petits grains de sable dans la machine babylonienne, judéo-babylonienne, et que grâce à ces petits grains de sable, la machine va casser, avec la grâce du bon Dieu. Oui, voilà. Et ensuite, je pense à l'émission qui suivra, il y aura peut-être le petit-fils d'Adolf Hitler qui va revenir sur son cheval tel le grand monarque et qui va rétablir la situation. Sur son cheval ailé, licorne, attention. pas LGBT, hein. Je veux pas les couleurs arc-en-ciel, attention. Bon, en tout cas, ça nous a permis d'aborder tout un tas de sujets. Les éditeurs pourront faire le tri et s'intéresser. Déjà, s'intéresser, je pense que c'est une obligation. Peut-être partir du point de départ qui est, vous imaginez que tout ce qu'on vient de dire est faux, vous voulez absolument nous prouver le contraire, et du coup, vous pouvez partir de ce point-là pour vous renseigner, c'est comme ça que c'est une bonne manière de fonctionner. Peut-être qu'à la fin, vous allez dire, peut-être qu'ils ont dit des choses intéressantes, et que finalement, voilà. Je voulais quand même qu'on revienne à cette histoire de... Finalement, le cœur de l'article, moi, il y a un point qui reste comme ça un peu en travers de la gorge, c'est les communautés que j'ai mentionnées au tout départ, qui ont fait le pari de tout miser sur la liturgie en avalant un petit peu de fausses doctrines, qui, je trouve, est un pari idiot. C'est vraiment stupide. Et qui, à la fin, du coup, perd les deux. Voilà. Bon, c'est tragique, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est le plus important, finalement ? C'est la doctrine ou la liturgie ? Moi, je suis convaincu que c'est la doctrine qui est le plus important. Si vous avez une fuite d'eau chez vous, qu'est-ce que vous commencez à faire ? Est-ce que vous commencez à éponger un peu le sol et après vous faites le robinet ? Ou alors vous fermez d'abord le robinet et ensuite vous épongez le sol ? Moi, je suis désolé, je ferme d'abord le robinet. C'est pour ça que la doctrine, j'imagine que ça a une valeur supérieure, et en partant d'une bonne doctrine, on arrive de fait à la bonne liturgie. Et tous ces gens qui se sont dit, bon, on va avaler 2-3 couleuvres, mais on nous laisse quand même la messe tridentine, mauvaise pioche. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, ça s'applique aussi à la politique. Tu vois, les gens qui disent, ouais, bon, on garde notre... on a encore le droit de dire la messe, donc on reste en démocratie, c'est pas mal après tout. Alors que vont faire tous les fidèles qui étaient attachés à ces communautés ? Parce qu'ils étaient là pourquoi, ces gens-là ? Ils étaient là d'abord pour la liturgie. Il y a cette mentalité mauvaise, attentiste, dont a parlé Rex, qui va faire son chemin. Mais pour les gens qui sont vraiment attachés à la liturgie, peut-être qu'ils vont s'en mettre en question. En tout cas, j'espère pour eux, parce que s'ils finissent par être aussi modernistes comme les autres, et puis alors qu'au départ, c'était pas du tout leur but, justement, en opposition au modernisme, ils voulaient absolument garder un semblant de traditionnalisme. Les gens, ils vont passer pas chez la frate, hein, c'est aussi simple que ça, hein, ceux qui sont encore chez les ralliés et qui pensent comme tu dis. Alors bon, c'est vrai que la doctrine, elle est importante, mais elle est quand même exprimée aussi par la liturgie. Enfin, il y a un lien. Oui, la liturgie, c'est pas rien non plus. D'ailleurs, ceux qui ont pensé, je pense au fameux Monseigneur Bouligny, donc on disait qu'il était franc-maçon, je ne sais pas s'il était vraiment franc-maçon, apparemment il n'était pas, voilà, apparemment il n'était pas. Monseigneur Bouligny, donc, qui pendant le Concile Vatican II s'est acharné à changer la liturgie. Si vous vous dites, oh écoutez, je vois pas trop le sens de ce changement. Lui, il le voyait le sens. Hein. Il n'y avait pas de problème, il avait un but. Le jour, on s'est lancé dans le français, mais il y en avait qui veillaient. Et des personnalités comme le cardinal Béat, et ensuite Mgr Bonini, et entouré de tous leurs amis, eux ont bien préparé le concile et savaient très bien ce qu'ils voulaient en faire et ce qu'ils voulaient en tirer. Certainement en contact, au moins, avec la franc-maçonnerie, s'il n'était pas franc-maçon eux-mêmes, et en contact avec toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, et même avec différents groupes politiques, aussi bien avec les communistes, bien sûr, les socialistes et autres. Il voulait absolument rapprocher les protestants et les catholiques. Alors, si c'est pour faire en sorte que les protestants deviennent catholiques, très bien, je signe tout de suite, il n'y a aucun problème. Ou les protestants d'ailleurs, ou les musulmans, les bouddhistes, tout le monde devienne catholique. Très bien, alors là, je fonce, il n'y a pas de problème. Je pense que dans les faits, c'est pas trop comme ça que ça s'est passé. Hein. Les protestants, ils n'ont pas bougé d'un millimètre, d'accord ? Par contre, nous, la fameuse nouvelle messe, elle est devenue tellement protestante que même les protestants, ils ont senti le besoin de temps en temps d'y aller, alors qu'avant c'était un impératif, c'était surtout pas se présenter devant une messe catholique, et maintenant ils se sont dit « Ah, finalement, c'est compatible ». Donc, les protestants ne sont pas devenus catholiques, d'accord ? Par contre, je peux vous dire qu'il y a un paquet de catholiques qui sont devenus protestants. Et c'est pourquoi, voyez, la réforme liturgique est très dangereuse. Sans doute, elle a été faite avec une bonne intention, se rapprocher des protestants, mais quels sont ceux qui ont fait les frais ? Les frais de ce rapprochement. Est-ce que ce sont les protestants qui sont devenus très proches des catholiques, qui ont presque accepté le sacrifice, qui ont accepté la présence réelle, ou est-ce que ce sont les catholiques qui ont fini par accepter un repas à la place du sacrifice, un banquet, une eucharistie, un partage du pain? Est-ce que ce ne sont pas les catholiques qui finissent par abandonner le respect et l'adoration de la Sainte Eucharistie, et qui finissent par traiter l'Eucharistie comme un simple souvenir, un mémorial de la scène de notre Seigneur Jésus-Christ? Je pense que ce sont les catholiques qui ont perdu à cet œcuménisme de la messe, et non pas les protestants qui ont gagné, malheureusement. C'était ça un peu l'esprit de cette nouvelle liturgie. Donc effectivement, Elzinko, tu fais bien de le rappeler, je précise ma pensée, la liturgie, c'est pas anecdotique, d'accord ? Anecdotique, pardon. La doctrine, je la place au-dessus. Mais c'est pas un détail non plus. Et ceux qui ont pensé ce genre de choses, ils avaient justement ce but précis. À tel point que pendant les débats du Concile Vatican II, il y avait des représentants d'autres religions qui étaient présents, qui sont pas exprimés durant les débats, d'accord ? Il y a peu de gens qui le savent. Mais ils étaient présents, des orthodoxes, et des protestants, ce que vous voulez, d'accord ? Et donc forcément, ça a pesé dans le débat. Les uns qui voulaient surtout pas offenser les protestants, on essaie de se rapprocher des protestants, donc du coup, on évite de dire des choses trop tranchées, voilà. Sans parler des autres qui veulent absolument faire plaisir aux orthodoxes, à tout ce que vous voulez, et aux juifs qui en faisaient des tonnes. Je sais pas s'il y avait des juifs, par contre. L'œcuménisme dans le concile a été aussi une inspiration très très forte. Et a été manifesté surtout par la présence au concile des représentants de différentes religions. Nous avions toujours devant nous les représentants de toutes les religions, protestantes, bouddhistes, musulmanes, enfin il y avait des églises orthodoxes. Et bien, le seul fait que ces représentants soient devant nous constamment, pour toutes nos discussions, pour toutes nos interventions, était, je dirais, un poids qui nous rendait parfois difficiles nos discussions entre nous. Dans la combine, oui, on peut... De toute façon, il faut lire un peu le judaïsme et le Vatican de Léon de Poncin, pourquoi pas. Mais tu as raison. Après, le toucher à la liturgie, on touchait au cœur. C'est pour ça que c'est à partir du moment où Paul VI a modifié la messe que ça crée un séisme total. Donc c'est quand même le truc qu'il ne faut pas trop toucher. Mais tu as raison de dire que la doctrine, de toute façon, voilà, c'est clair dans ta tête, c'est quand même le premier point avant d'agir. Et pour ceux à qui ça fait peur le mot de doctrine, Elzinko il réagit un petit peu par rapport à ça. Où, voilà, en politique, il ne faut pas avoir peur du mot de doctrine. En soi, c'est un ensemble d'idées cohérentes qui te permet d'établir quelque chose. Donc forcément, dès que tu vas agir, avant ça, on est thomiste aussi, quoi. Donc Saint Thomas, voilà, la raison, tu organises le truc, et après, l'action va se conformer à ce qui se trouve dans ta tête, quoi. Oui, c'est un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos milieux qui sont obsédés par un peu l'activisme, en fait. C'est-à-dire, il faut faire des conférences. Bon, nous, on fait une émission, d'accord, mais bon, je pense qu'on a conscience qu'il faut d'abord avoir une bonne base doctrinale, que ce soit sur le plan de la religion ou sur le plan de la politique, et que si elle fait défaut, en fait, bah, tu mets des coups d'épée dans l'eau, quoi. Tu peux aller nulle part. On arrive quand même à une situation que j'apprécie pas du tout, en tout cas, qui nous font passer, en tout cas, nous, on va dire les traditionalistes, pour des gens qui ne veulent absolument rien changer. Les modernistes ont réussi ce tour de force. Alors que, je suis désolé, moi, je me reconnais pas du tout dans cette définition-là. Comme quoi, on serait des gens qui seraient contre le changement, les réformes. Pas du tout, pas du tout. Je sais bien qu'on utilise les termes, parfois, de conservateurs, parce que c'est facile et ça donne une image. C'est pour parler vite, quoi, en gros. C'est une facilité de langage. Mais moi, je me considère pas du tout, comme sur le plan politique ou même sur le plan spirituel, comme un conservateur. Les réformes, si elles sont bonnes, faisons-les. Et il y a plein de bonnes réformes. Il y a plein de bons papes qui ont fait beaucoup de réformes très importantes et majeures qui sont considérées, qui sont étiquetées, on va dire, conservateurs. Et par exemple, Saint Pie X. Saint Pie X, on ne peut pas trop le mettre dans la case conservateur, dans le sens où on a quelque chose qui fonctionne bien, allez hop, on touche à plus rien. Mais alors, pas du tout. C'était pas du tout sa mentalité. Sur le plan liturgique, il a fait d'énormes réformes. Sur le plan doctrinal, pareil, le fameux catéchisme de Saint Pie X, la communion d'ailleurs, la communion qui était dont l'âge a été avancé. Je vais pas faire la liste, mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'énergie, c'était son tempérament, et qui a fait énormément de réformes. Si les réformes sont bonnes, allons-y, il n'y a pas de problème. Là où on dit stop, c'est des réformes qui nous font devenir protestants. Écoutez, là non, si de toute façon on le voit bien aujourd'hui. Qu'est-ce que sont devenus les modernistes? Ils n'existent plus en termes de nombre, ils existent en termes médiatiques, et ils ont transféré finalement leurs objectifs sur d'autres continents, parce qu'ils voient bien que finalement en Europe, ça est en train de s'écrouler. C'est d'ailleurs mis dans l'article du Figaro, dans le premier paragraphe, pourquoi François décide absolument de faire une halte sur la messe tridentine. Il y a beaucoup moins de prêtres moderniste que le prêtre tradit. Et en plus, c'est une tendance qui s'accentue. Donc c'est un problème. Ils disent que ça pose un problème, qu'il y a des vocations sacerdotales parmi ces communautés traditionnalistes. C'est ça qui l'a conduit à abroger juridiquement. Oui, il veut pas qu'il y ait de nouveaux prêtres, parce que, comme dit Bobby, bon, la démographie joue en la faveur de ceux qui ont des postures plus, entre guillemets, réactionnaires, mais tout ça, enfin, tout simplement conserver le vrai, quoi. On va mettre une petite pause musicale et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day, it's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Thank you. day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Alors nous voici de retour pour parler d'un sujet qui n'est pas trop œcuménique d'ailleurs. On va enchaîner là-dessus. C'est un peu notre marque de fabrique. Mais là, pareil, on est obligé de le traiter. Il y a des mauvaises nouvelles qui nous arrivent comme ça sur le coin de la figure et puis pas des moindres. On va parler un peu des Juifs, encore une fois. On est obligé, c'est comme ça, puisque il y a quelques jours, Emmanuel Macron a voulu rendre hommage à Gisèle Halimi. Alors, Gisèle Halimi, c'est une avocate qui est décédée, qui est juive, d'accord, on peut le dire, qui est pas auvergnate, qui a été avocate de combattants du FLN, donc les terroristes algériens durant la guerre d'Algérie, qui est bien sûr gauchiste, qui est féministe, avorteuse, voilà, bon bref, elle a le package complet, d'accord. Et donc il fallait lui rendre hommage, et puis la question, est-ce qu'il faut la mettre en panthéon, machin, et puis après il y a tous les chaînes d'infos en continu qui comme ça pendant des heures, alors oui, non, mais peut-être qu'elle était quand même un petit peu trop à droite, elle n'était pas vraiment communiste, donc voilà, il y a des débats qui se font comme ça sur les plateaux de télé. Et donc Macron en a surtout profité pour remettre sur le devant de la scène le sujet de la constitutionnalisation de l'IVG. Et donc il l'a annoncé, voilà, maintenant l'IVG va être dans la Constitution française. Constitution française, qui d'ailleurs, je vais préciser, ça fait un lien, qui a été écrite par un petit-fils de rabbin, faut quand même le préciser, c'est important. Et donc on y va, donc on prend Halimi, là on prend son cadavre, on l'agite, ah vous avez vu machin, cause des femmes, machin, blabla, conclusion, faut tuer des bébés, hein. Cause des femmes, vous savez c'est un mot clé pour dire faut tuer des bébés, faut interpréter comme ça un peu les informations qu'on nous balance, on nous balance des bobos comme ça, cause des femmes, droit des femmes, qu'est-ce que ça veut dire ce truc d'un point de vue concret, tuer des bébés, ah d'accord, ok, là je comprends mieux. Si vous comprenez pas le yiddish, mais je vous fais les traductions, vous allez voir. Et ben voilà, on y va. Donc, on avait déjà parlé de ce sujet il y a deux émissions auparavant. On est obligé d'y revenir parce que maintenant c'est très grave. On arrive à un point finalement où on ne pourra même plus, au moins freiner dans les débats parlementaires, la folie de l'avortement qui maintenant continue comme ça sa progression. On était à 100, 150 000, 200, on est maintenant à 230 000. Avortement par an. Donc c'est énorme parce qu'en plus on nous dit les Français machin, les retraites, tout ça, faites pas assez de bébés. Et si, bah on en fait des bébés, mais vous les tuez, voilà. Gros problème. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Bah, c'est du conformisme 3000, hein, c'est du conformisme 3000 avec Gisèle Halimi. On coche un petit peu toutes les cases, parce qu'il y a le féminisme, le séfaradisme, le soutien au FLN algérien. Donc là, on peut dire, dans une certaine façon, c'est une cause nationaliste, hein, pour le coup. Mais voilà, ça, c'est le patriotisme ethnique, c'est le seul qui est autorisé. Là, t'as le droit d'être un noir sud-africain qui tue des blancs. Dans ce sens-là, ça passe. ChatGPT ne te dit pas que c'est offensant, tu vois, tout va bien. Voilà, c'est validé. Donc oui, Macron, bon, voilà, il glisse une énième quenelle au peuple français sur ces choses-là, où ouais, t'as quand même une conception un peu lunaire, puisque même le FLN algérien, bon, bien que De Gaulle ait lâché l'Algérie, donc finalement, il ait accepté un peu les pressions, il faisait face à ce problème-là. Donc c'est amusant que, déjà, entre 3e et 5e République, ça a l'air quand même très différent. La devise « Travail, famille, patrie » qui était reprise par Vichy existait sous la 3e République, même si ça n'était pas la première qui était « Liberté, égalité, fraternité », évidemment. Et là, on voit même que la 5e République, bon, elle a tellement changé 1000 fois que, en fait, d'un candidat à l'autre, ça ressemble de moins en moins. Et souvent, le nouvel élu nous fait regretter l'ancien dans une relative mesure, parce qu'on n'en apprécie aucun, en fait, de la liste. c'est ça le truc. Mais bon, après, pour Gisèle Halimi, je sais pas s'il y a énormément à dire, mais tu as bien souligné le fait que on met des jolis mots derrière des causes horribles, parce que voilà, la cause des femmes, mais en fait, c'est voilà, le fait de pouvoir évacuer un maximum de fœtus. Moi, je me souviens qu'avant même ma conversion, il y a une bonne dizaine d'années, bon, j'ai jamais eu trop de pensées à l'égard de l'avortement, mais depuis que l'ancien site, la Bibliothèque de Combat, qui était un genre contre-révolutionnaire, national-catholique et tout ça, avait relayé une vidéo de docteur comme ça, qui l'avait pratiqué, qui en était revenu et avait enregistré et tout ça pour nous montrer, je me souviens que juste cette petite vidéo-là, comme nos adversaires adorent jouer sur l'émotion, voilà, si on leur envoie le boomerang, je ne sais plus les références de cette vidéo, hélas, mais... Enfin voilà, si vous trouvez un truc du genre, ça vous vaccine, si j'ose dire. Là, vous êtes vacciné de l'avortement. Hein. Franchement, c'est avant, sans être chrétien, j'étais déjà contre. Moi, bon, après, vous me direz, je suis un peu né d'un père, voilà, qui a eu un petit passé passif, donc ça m'a orienté un peu. J'ai pas été un super gauchiste, loin s'en faut. Mais le côté Gisèle Halimi, c'est voilà, toutes les cases sont cochées. Étrangère, séfarade, maghrébine, FLN algérien, et puis face à ça, bon bah la République qui tout simplement joue contre nous quoi. Ces gens-là sont des incultes, ils aiment pas leur culture, ils la connaissent pas et ils la rejettent de fait. Donc voilà, on ne pourra jamais rien sauver, rien construire avec ce cosmopolitisme mental, puisque de toute façon ils ont la haine d'eux-mêmes et donc ils vont soutenir tout ce qui contribue à détruire ce que nous sommes, dont voilà, la natalité et en plus double attaque, puisqu'il y a de l'autre côté l'immigration massive et donc un souci de démographie. Puis là, en plus, l'avortement qui a été constitutionnalisé il y a peu parce que voilà, certains États des États-Unis remettaient en question relativement la chose, d'ailleurs. En plus, c'était peut-être pas totalement, ça dépendait. Donc voilà. Ce qui est intéressant de remarquer, bon, je terminerai un peu là-dessus, là, sur le cas Gisèle Halimi, vous verrez ce que vous avez un peu à ajouter, de toute façon, j'en parle très peu. C'est amusant de voir comment ces gens ont un esprit religieux et comme quoi ça fait partie de la nature humaine, en fait. Quand tu n'as pas de religion, tu fais de quelque chose dans la société, un quelconque sujet, quelque chose de sacral, quoi. Et là, on le voit avec l'avortement, c'est un truc qu'il ne faut pas toucher. Voilà, les chambres à air aussi, il y a des trucs, faut pas les toucher, on se demande pourquoi, quand la société elle-même te dit, voilà, faut remettre le tout en question, mai 68, il est interdit d'interdire, quand tu baignes dans ce mental-là, tu te dis, mais comment ça se fait, en fait, je pense que l'explication, c'est que c'est quand même intrinsèque à la nature humaine, on a besoin quand même de cette, voilà, Aristote dit on a un animal social et saint Thomas rajoute même un animal religieux, quoi, comme on a la raison et l'envie de servir Dieu quand même un peu inscrite dans l'ADN, dans le code génétique. Ça reste, y compris chez ceux qui professent un athéisme ou un satanisme, après, à défaut. Alors là, tu touches du doigt précisément, à mon avis, le cœur de cet événement. Parce que pour moi, C'est une cérémonie religieuse, en fait. On a le grand prêtre Macron qui vient verser des libations de sang pur sur l'autel dédié à la divinité juive, en fait. C'est une religion. On a le dieu, donc le dieu juif, ressuscité à Auschwitz, Gisèle Halimi, qui était au courant de sa propre divinité, parce que, d'ailleurs, quand elle avait défendu une femme qui avait commis un avortement, je crois qu'elle avait commis un avortement. Et c'était quoi son argument en tant qu'avocate? C'était « Moi, l'avocate, j'ai avorté. Mais je suis juive. Donc je détermine le bien et le mal. Et je peux même lui transmettre ma divinité. Donc elle peut, elle aussi, décider qu'est-ce qui est la vie, qu'est-ce qui n'est pas la vie. » Donc on a le Dieu, on a le temple. Et c'est là qu'en fait, la laïcité, la République, elle nous berne avec la laïcité toute la journée. Mais en fait, non, la République, c'est un temple. C'est un temple. Et il y a aussi un sacrement qui est consubstantiel, c'est Macron qui nous l'apprend, l'avortement est consubstantiel à la République. Alors moi, je trouve que ça mérite qu'on s'y arrête un instant, parce que bon, il y a pas mal de choses qu'on peut analyser dans cet événement. On peut faire une analyse politique et voir que Macron, en fait, il se fout un peu de la gueule du monde. Il maîtrise très bien la mystique républicaine avec cette histoire d'avortement qui veut inscrire dans une mise à jour plus large, en fait, de la Constitution, peut-être du septennat, de choses, voilà. Il veut essayer de récupérer comme ça, mais voilà, il se sert de la mystique républicaine et de cette religion. Donc, j'aimerais juste voir toute religion, elle a des caractéristiques. Alors, toute religion, il y a un dieu, évidemment. Donc, bon, ben là, le juif est un des dieux de cette religion, mais il nous était suggéré qu'en fait, tout le monde peut être dieu dans cette religion. Parce que celui qui est avorteur est une divinité. Donc, voilà. Donc, là, en fait, le credo de cette religion, c'est « je suis un dieu ». D'accord. Notre religion a un fondateur. Qui c'est qui a pu fonder cette religion? De quand elle date? Ben, en fait, c'est la religion la plus ancienne de l'histoire, après la vraie religion. Elle était déjà présente au Jardin d'Éden. C'est la religion qui a été suggérée par celui qui nous a dit « Vous serez comme des dieux ». Donc voilà pour le fondateur, c'est Lucifer. Il a eu des relais quand même, je crois. La prêtresse Simone Veil, peut-être. Tout ce qui est avortement, on retrouve le juif. La contraception, c'est la loi Neuwirth, encore un juif. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Hein, nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon. Enfin, je veux dire, c'est la liste de Schindler. Hein. Ensuite, la République. La République, elle aussi, elle a été baptisée. Bon, ben, elle ne pouvait plus retuer Dieu parce que c'était déjà fait, il était ressuscité. Elle a décapité un roi qui, en fait, symbolisait l'ordre naturel. Et donc, elle est rentrée dans cette église et tout de suite, elle a proclamé sa consubstantialité avec le juif. C'est un petit détail que certaines personnes ignorent, mais suite à la Révolution, il y a eu, devant l'Assemblée constituante, 14 tentative pour faire voter un décret accordant aux Juifs tous les droits de citoyens actifs. Et c'est au bout de la 15e fois, ça revenait à chaque fois, bon c'était facile, hein, ils étaient tous francs-maçons, donc, sachant que ça vient des Juifs, le 29 septembre 1791, ça revient une 15e fois, c'est là que ça a été voté, juste avant qu'elle soit dissolue le lendemain d'ailleurs. Et il y a juste un mec qui a voulu s'y opposer, un mec qui s'appelait Rebelle, c'est vrai. Et on lui a répondu en pleine assemblée, je demande que l'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parlent contre cette proposition, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattent. Donc voilà, quelque part, je suis d'accord avec eux. Hein. Je le disais. Oui, voilà, oui. Michel Debré a rédigé la Constitution française. Michel Debré, bon, il est juif, oui. Et puis il est petit-fils de rabbin. Voilà, oui, donc il y a une. C'est tout ça, c'est un quoi. Le juif, la république, la franc-maçonnerie, l'avortement. Voilà pour la hiérarchie ecclésiastique. Dans cette religion aussi, il y a comment dire, il y a un enfer. Il y a un dieu méchant aussi. Alors le dieu méchant, c'est qui? C'est le vrai dieu. Et l'enfer, c'est quoi? Ben c'est l'ordre naturel, c'est la famille, c'est le rôle de la femme, le fascisme. Fascisme qui nous enseigne que nous ne sommes pas notre propre fin. C'est, en fait, en un mot, le nationalisme. Et tout ça doit être détruit. Tout ça, et c'est l'œuvre de la République. C'est une œuvre de dissolution pour bâtir un temple. D'ailleurs, ils nous l'ont dit, hein, les francs-maçons, ils nous parlaient de temple. Donc c'est vrai, c'est un temple, en fait, la République. La démocratie est un temple dédié à notre divinité. C'est d'ailleurs pour ça que... les Français n'arrivent pas à y renoncer à cette drogue, en fait. Alors, tout est détruit autour de nous, tout s'effondre, mais ils continuent, ils retournent voter tous les 5 ans, même les droitards, enfin, c'est soi-disant des droitards, parce qu'en fait, c'est addictif. Ça leur dit qu'ils sont Dieu. Donc voilà. Et quel est le rôle, voilà, pour en venir au rôle de l'avortement, la position de l'avortement dans la fonction de l'avortement dans cette religion? Alors, il y a une double fonction. Il y a un sens sacrificiel, c'est-à-dire que voilà, le dieu a soif, il faut l'abreuver d'un sang pur, donc le sang des bébés à naître français. Il y a un sens profession de foi, c'est-à-dire qu'en immolant à la divinité, on reconnaît la divinité. C'est-à-dire que quand vous allez à la clinique et vous commettez un avortement, vous proclamez que vous êtes le maître de la vie et de la mort. Vous proclamez votre propre divinité. On ne peut pas rester républicain, rester juif sans pratiquer l'avortement. Et d'ailleurs, il y a, suite à l'abrogation de la jurisprudence Roe vs Wade aux États-Unis, il y a 140 organisations juives, je crois qu'il y a eu la même chose il n'y a pas longtemps, peut-être en France, qui sont montées à la tribune et qui ont dit que c'était une valeur juive fondamentale. On ne pouvait pas... Et il y a un rabbin en Floride qui a... Oui. Il y a un rabbin en Floride qui a attaqué l'État en disant que si on interdisait l'avortement, on interdisait la pratique du judaïsme. Donc, bon. Ils le disent eux-mêmes, hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et il y a un sens, il y a un sens messianique dans l'avortement. Pourquoi ? Parce qu'il faut détruire tout l'ordre naturel. Il faut détruire les races, il faut détruire les nations, il faut détruire la famille, il faut détruire le sens de la sexualité. Et il faut de la dynamite pour faire péter tout ça. Et la dynamite, c'est l'avortement. Si vous enlevez l'avortement, l'hypergamie débridée des femmes, elle est réprimée. On peut plus, le divorce, tout ça, toute la structure, l'unité de la société qui est la famille se reforme et ça devient beaucoup plus compliqué de pousser la dialectique révolutionnaire jusqu'au bout et d'arriver jusqu'au mondialisme. Alors, il faut quand même préciser, merci d'ailleurs pour ce rappel, Nico, parce que les gens, ils pensent que la République française est une république laïque. Non, il y a une religion qui est derrière, la religion juive. Vous l'ignoriez, mais on est en plein dedans. Et gare à celui qui remet en cause les dogmes de la religion juive. Attention, ça coûte très cher ces choses-là. Je voulais quand même préciser qu'en Israël, en théorie, sur le papier, l'avortement est autorisé, d'accord ? Mais dans la pratique... Parce qu'on parlait de ces rabbins qui sont aux États-Unis pour faire la promotion de l'avortement aux États-Unis. Alors, c'est pas grave, ça ne tue que des goy, ce ne sont que des Américains. Quel est le problème ? En Israël, sur le papier, l'avortement est autorisé. Par contre, je vous lis le petit extrait. C'est dans des conditions, attention, hein, je ne sais pas combien d'avortements ils pratiquent par an, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, il faut qu'il y ait un comité d'experts médicaux et sociaux qui se réunissent et qui donnent leur accord. Bon, jusque-là, pourquoi pas ? Il faut que la femme ne soit pas mariée et qu'elle ait moins de 17 ans, parce que c'est l'âge légal pour se marier en Israël, d'accord ? Donc, quand même assez peu de cas. Ou alors, si jamais elle a plus de 40 ans et que la grossesse provient de relations illégales, donc des viols et des incestes, quoi. Donc, si vous cumulez ces critères, vous avez théoriquement le droit à l'avortement qui est très, très, très, très mal vu et très, très, très peu pratiqué en Israël. Voilà. Alors que chez nous, attention, en Occident, open bar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même. 230 000 avortements par an. 1 million tous les 4 ans. Alors, nous, on n'a pas la population des États-Unis, d'accord ? On est environ 67 millions en France. 1 million d'enfants à naître tous les 4 ans qui sont tués. Si tu multiplies par 6, 4 fois 6, 24, voilà, ça fait 6 millions. Donc. Si vous voulez, lorsque je vais me présenter pour mon jugement personnel, je ne vais pas faire le malin, d'accord ? Je vais regarder mes chaussettes et ça va être un moment très, très, très difficile à passer. Par contre, Dieu merci, j'aurai pas quand même ce poids qu'ont toutes les femmes avorteuses qui devront quand même se présenter devant sa pierre et d'assumer, je sais pas si vous vous rendez compte, le fait de priver de paradis pour l'éternité, voilà, priver ses bébés du paradis pour l'éternité, c'est quand même terrible. C'est terrible. Il y a des peines. Par exemple, le vol, c'est très simple de le réparer. Je suis pas en train de justifier le vol, mais le vol, vous commettez un vol, vous pouvez réparer l'erreur, d'accord ? Confession, contrition, la volonté de ne plus recommencer. Le prêtre à la fin vous dit, bon, bah, le bien que vous avez volé, faut le rendre. Vous êtes même pas obligé d'ailleurs de vous présenter en tant que coupable. Vous le déposez devant la porte, le bien que vous avez volé, par exemple. C'est possible, d'accord ? C'est réparable, entre guillemets. Je dis pas que c'est bien, mais c'est réparable. Le bébé, une fois qu'il est tué, il est tué. Hein. Une fois qu'il est privé du paradis, c'est pour l'éternité, c'est fait. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est diabolique. C'est purement une inscription dans la Constitution qui est d'origine diabolique, pour remplir les termes. Alors, elle n'a pas été inscrite dans la Constitution. Ça m'a surpris parce que... Pas encore. Oui, mais là, il y a un truc à dire. Parce que il y avait eu le vote à l'Assemblée nationale en novembre. Moi, je croyais que c'était terminé, quoi, que voilà, ça allait être inscrit. Mais en fait, pour modifier la Constitution, c'est plus compliqué. Il faut d'abord que ça passe par l'Assemblée nationale, que ce soit voté ensuite dans les mêmes termes au Sénat. Ce qui a été fait, ils ont juste changé un mot, droit, liberté, enfin bref. Et après, normalement, ça doit passer par le peuple. Il doit y avoir un référendum. Sauf qu'en fait, malgré tous les efforts de la République pour nous lobotomiser depuis le berceau, ben ils font pas confiance au peuple. Donc, ils vont pas le faire passer en référendum. Et leur seule alternative, c'est de passer par une loi gouvernementale. C'est pour ça que Macron, il reparle de ça. Moi, je croyais que voilà, c'était déjà fait. En fait, l'alternative, c'est qu'il y ait une loi qui soit proposée par le gouvernement. Ensuite, il y a les deux chambres qui sont rassemblées en un seul congrès et qui doivent voter aux 3/5 de la majorité. Et là, ça passe dans la Constitution. Alors, si ça avait été fait comme ça, il y aurait eu, voilà, c'était certain que ça allait passer. Sauf qu'en fait, Macron, ce qu'il a annoncé, c'est de faire passer le côté constitutionnalisation de l'avortement dans un package de modification de la Constitution. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a certains qui disent que, parce que voilà, quel va être le candidat derrière Macron, quoi. C'est un peu le candidat idéal pour les banquiers juifs, pour les boomers. C'est un peu le messie, quoi. Et derrière, il n'y a pas grand monde. Donc, est-ce que ce qu'il a derrière la tête, c'est d'utiliser ça pour modifier la Constitution et faire un mandat de plus? Bon, je ne vois pas comment il pourrait arriver à faire passer ça. Mais voilà. Il peut faire un mandat de plus si jamais il y a un autre président entre-temps. Donc, il peut très bien laisser couler 5 ans et se représenter à nouveau, être élu à nouveau deux fois. Ah d'accord, je n'avais pas ça. Voilà. Il peut revenir plus tard. Je ne sais pas si c'est son plan possible. Allez savoir. En tout cas, pour ces histoires de référendum, tout ça. Moi, j'ai le souvenir, la première fois que j'ai voté, je crois que c'était pour le référendum sur la Constitution européenne. Donc, la présidence, c'était Jacques Chirac. C'est en 2005, je crois. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est la première fois que j'ai voté. C'était aussi la dernière, je ne sais plus exactement. Bon, je me souviens qu'on avait voté non, d'accord. Ensuite, Sarkozy a accédé à la présidence de la République, et puis il a fait passer la chose, ouais, référendum, non. Ouais, bah, en fait, oui, quand même, voilà. Donc, les référendums... Si vous analysez bien quand même la Constitution française, il y a plein de trucs quand même qui sautent aux yeux, qui ne devraient pas exister actuellement et qui sont quand même en place. Peu importe votre sensibilité politique ou ce que vous pensez, par exemple, sur le sujet, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, sur le sujet du révisionnisme, par exemple, n'importe qui réfléchit se dit « Bon, bah, écoutez, on est en 2023, alors l'histoire des révisionnistes pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ouais, on doit pouvoir être libre d'en parler maintenant, ça n'a plus aucun intérêt, que ce soit pour valider ou pour mettre en avant une autre théorie, les gens, naturellement, devraient se dire, ouais, ok, on doit pouvoir avoir un débat libre là-dessus. Et si vous lisez la Constitution française, machin, expression publique, etc., bah ouais, bien sûr, il y a rien qui en empêche. Puis on voit que dans les faits, ils ont quand même réussi à nous pondre un truc qui est, de mon point de vue, je pense, purement anti-constitutionnel, où en fait, il n'y a pas de débat libre. En 2023, il n'y a toujours pas de débat libre sur cette histoire, quand même, de l'extermination, machin, des juifs. Voilà, vous connaissez le délire, d'accord? On ne peut pas. On ne peut pas. Même si c'est pour valider. Oui, c'est que l'État, en France, il est tout puissant. Tu ne peux rien faire, en fait. Non, mais tout ça pour dire, moi, je ne crois pas à des solutions de type naïveté UPR. Voilà. Pour moi, parce que ces gens-là, ils expriment à chaque fois des points de vue qui se reposent sur la législation. Alors, vous savez, par rapport à l'article, etc., machin, ça, c'est des... Moi, je pense que ça, c'est des foutaises. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Les articles de loi, ils les tordent, ils les mettent dans un sens, dans un autre. Si ça doit passer comme ça, ils les font passer. Staline disait, ce qui est important, c'est pas pour qui les gens votent, c'est qui compte, qui compte les votes. Voilà. Je pense que c'est la même doctrine qui est appliquée par rapport à la République française. C'est très différent aux États-Unis d'ailleurs. En fait, ouais, en gros, la République, elle a hérité du logiciel de Richelieu, en fait, où tu as un État centralisé qui fait à peu près ce qu'il veut. Voilà, oui, on met un Parlement, mais bon, ça, on le voit bien en ce moment d'ailleurs, hein, le 49-3 tire l'arigot. Mais aux États-Unis, c'est pas pareil. En fait, eux, ils se sont construits dans l'opposition avec l'Angleterre. Donc, les pères fondateurs, en fait, ils ont vraiment eu une volonté de limiter le pouvoir de l'État fédéral, notamment sur le plan législatif. Donc, en fait, bon, déjà, pour passer une loi là-bas, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a les commissions parlementaires. C'est des commissions qu'on nomme, en fait, quand tu veux faire une loi, voilà, ils étudient, ils font des propositions. Là-bas, ces commissions, elles ont beaucoup plus de pouvoir. Elles peuvent bloquer le processus si elles pensent que ça ne va pas. Il y a beaucoup plus de débats. Et en fait, le pouvoir des chambres est très limité. En fait, ils ne peuvent pas légiférer sur tout un tas de trucs. Ils peuvent légiférer que sur la levée d'impôts, le commerce, la monnaie, l'armée, l'immigration, mais pour ce qui est éducation, religion, mœurs, en fait, les États, ils gardent leur... c'est eux qui gèrent. Donc, la seule alternative, d'où ce qui s'est passé avec l'avortement, en fait. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, en deux secondes, d'un coup, l'avortement peut être illégal? Parce qu'en fait, c'était une jurisprudence. En fait, ce qui a gravé dans le marbre là-bas, c'est la Constitution. Donc, leur constitution l'a appliquée dans tous les États. Et ils ont la Cour suprême, qui est la juridiction la plus haute du pays, qui, elle, en fait, interprète. Son rôle, c'est d'interpréter la Constitution. Donc, si elle dit que la Constitution, eh ben, en fait, elle voulait dire qu'on avait le droit d'avorter, eh ben, alors, voilà, c'est une nouvelle jurisprudence. Et toutes les femmes ont le droit d'avorter. Et c'est ce qui s'était passé, en fait. Il y avait eu une bonne femme qui avait dû se trouver des avocats, sûrement juifs, pour pouvoir... avorté, alors que c'était encore illégal, et elle a attaqué l'État, son État. Du coup, c'est Roe, en fait, son nom c'était Roe, et Wade, c'était le procureur. Et c'est remonté, en fait, jusqu'à la Cour suprême, dans un climat absolument infesté par les campagnes de presse juives, dirigées contre les catholiques, on pourrait y revenir, mais voilà, ils bombardaient à l'époque, pour faire pression, en fait, sur la Cour suprême, et qu'ils interprètent dans la Constitution un droit à l'avortement, mais sur un truc bidon, le droit au respect à la vie privée, sur un truc aussi abstrait que ça, ils ont dit, tout le monde a droit d'avorter. Donc, voilà, les Juifs ont gagné à ce moment-là, l'avortement a été légalisé, mais ça pouvait être changé par la suite, s'il y avait un changement dans la Cour suprême, et c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est suite à la présidence de Trump, en fait, parce que c'est le président qui nomme à vie les membres de la Cour suprême, qui sont 9, et voilà, et ils ont pu revenir sur cette interprétation qui est complètement farfelue de la Constitution, et ça a été changé. Mais en France, il n'y a pas d'équivalent possible. En France, tu peux pas, pour ça, elle est stupide, leur panique, en fait. Enfin, il y a quand même un bon... Ils ont raison parce que c'est les États-Unis qui dirigent tout. Donc, si ça tombe aux États-Unis, chez nous, il va avoir un impact. Mais en France, au niveau législatif, il ne peut rien se passer. Tout est verrouillé. Oui, surtout cette panique, en fait, ça permet de faire la une des médias et de reparler encore une fois de ces sujets, de s'offusquer des méchants conservateurs américains, etc. etc. Et surtout, voilà, de un peu couper le pied... couper l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient revenir sur l'avortement, quoi. Et concernant Gisèle Halimi, moi, ça me fait un peu penser aux mots de Manuel Valls à l'époque, quand il avait dit que voilà, les Juifs étaient l'avant-garde de la République, quoi. Et comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question « Quel est ton ennemi ?» et qu'il lui réponde « C'est le juif !» Quand on s'attaque aux juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais. Donc s'ils sont l'avant-garde, c'est bien que c'est leur système, que c'est les gardiens, vraiment les gardiens principaux, etc. Donc voilà, on retrouve vraiment cet esprit juif et maçonnique de la République, quoi, qui clairement ne nous veut pas du bien. Ah ben, rappelez-vous les gilets jaunes, les prières du rabbin. Vous vous rappelez pas? Ah, je connais pas du tout ça, c'est quoi? Il avait fait une prière pour la République pendant les gilets jaunes, quoi, toute la synagogue. Ah non, mais de toute façon, les juifs prient pour la République dans leur prière, en fait. C'est pas une histoire particulière que pour les gilets jaunes. C'est de manière générale, les juifs prient pour la République, pour le maintien de la République, etc. etc. Bah, vu que c'est leur système, c'est normal, hein. On ferait la même, hein. On prierait pour le roi, la monarchie, le fascisme, le duché, le fureur. Voilà, à partir du moment où le chef il est bon, il est légitime et qui mène son pays vers le bien commun, forcément que toutes les forces religieuses, donc les véritables forces religieuses, c'est les forces catholiques, prient pour, et la société civile fait tout pour que ça se maintienne, quoi. Donc pas étonnant que ces rabbins prient pour la République contre les gilets jaunes, si j'ose dire. En cette veille de Shabbat et de nouvelles manifestations qui s'annoncent potentiellement violentes, je vous invite à faire de ce temps de prières hebdomadaires un moment particulier de ferveur et de convivialité. Je vous saurai gré de réciter la prière pour la République française avec une intensité singulière. Haïm Korsia, grand rabbin de France. Je voudrais rebondir quand même sur ce qu'a dit Elzinko par rapport à la religion républicaine, maçonno-juive, etc. En fait, on sait que le plan maçonnique, c'est de recréer la tour de Babel, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un seul type d'homme, donc le métis, donc ce qui fait qu'on détruit toutes les races, qu'il n'y ait qu'une seule langue, la novlangue ou l'espéranto. On en avait déjà un peu abordé le sujet dans des précédentes émissions. Et en fait, le but de ce métis qui parle la même langue, c'est d'accéder au ciel, d'aller au paradis, de rejoindre Dieu en construisant une tour, hein, comme à l'époque qui est citée dans la Bible, donc la tour de Babel. Et donc, en construisant cette tour, on va au paradis et on n'a pas besoin de passer, du coup, bah, par les sacrements, par l'enseignement de l'Église et donc par le sacrifice, l'esprit de sacrifice pour accéder à notre Seigneur, mourir en état de grâce, etc. etc. Donc, à mon sens, c'est vraiment ça aussi le plan démoniaque, en fait. C'est de refaire cet épisode à la tour de Babel. Et juste une petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le Parlement européen, ils se sont, pour le construire, le bâtiment, non, je parle au niveau architectural, ils se sont basés sur un tableau qui représente la tour de Babel, quoi. Donc c'est assez intéressant de constater que on pense que nos ennemis ne sont pas du tout spirituels, etc. On dit oui, ce sont des athées, la société est athée, etc. Mais non, non, non. Nos ennemis sont spirituels, comme disait Elzinko ou, voilà, ou Bobby, etc., comme on a pu dans l'émission, ils sont sataniques, directement ou indirectement, et la tour de Babel est vraiment une construction satanique, quoi. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Je me permets de citer un auteur, en fait, qui, pour moi, parle le mieux de ce sujet. Adolf Hitler. Oui, oui, Adolf Hitler, il en parle bien. Oui. C'est un grand auteur, une prose vraiment très élégante. Alors, il écrit sous plusieurs pseudonymes. C'est Joseph Merel. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, on connaît Merel. Il écrit « Fascisme et monarchie ouais. ». En fait, lui, il décrit vraiment bien cette dialectique, en fait, entre d'un côté... le mondialisme où il y a cet homme métis que tu... en fait, où il n'y a plus de déterminisme, en fait, tout est mélangé, il n'y a plus d'ordre naturel, et où chaque individu peut prétendre être tout ce que sont les autres, en fait. Ouais, parce qu'on a même, supprimé le genre. Je disais le métis, donc c'est on a supprimé la race, mais c'est aussi on a supprimé la distinction homme-femme, vu qu'aujourd'hui... Bah, oui, bah ça, c'est l'homme créateur de soi. Hélicoptère de combat, tout ça. En tant que dieu, tu te recrées, et tu recrées ton sexe aussi, en fait. C'est ça, le sens. C'est que je suis un dieu, donc je suis origine de moi-même. Donc, est-ce que je suis né homme ou femme? Non, je me crée homme ou femme. C'est vraiment ça, l'esprit. Et donc, il y a une dialectique. On ne naît pas femme, on le devient. Voilà. Et c'est l'ordo ab chaos. C'est-à-dire, il faut d'abord détruire l'ordre naturel pour créer un nouvel ordre, une tour de Babel, à partir du chaos. Il faut détruire le nationalisme pour qu'il y ait le mondialisme. Détruire la religion du vrai Dieu pour la religion de l'homme. Et donc, toutes les structures intermédiaires qui, en fait, donnent un sens à la vie de l'individu, comme la famille. Dans la famille, un homme, il est plus sa propre fin. Il vit pour quelque chose qu'il intègre et qu'il dépasse. Ben ça doit être détruit. C'est-à-dire, l'individu doit pouvoir penser qu'il est sa propre fin. Et ça se termine, oui, effectivement, dans la tour de Babel, quoi. Mais si on arrive jusque-là, c'est un peu... c'est pas génial. Non, mais en fait, on s'en fiche de la tour de Babel, pour illustrer l'exemple, mais la tour de Babel, comment elle a fini? Eh ben, le bon Dieu l'a complètement détruite. Il a séparé tous les hommes qui avaient construit cette tour de Babel à partir de ce moment théologique, on a un peu les différentes races qui sont apparues, les différentes langues, les différentes ethnies, etc. Donc au final, les francs-maçons, mais faites votre tour de Babel, les gars, allez-y. À la fin, c'est quand même le bon Dieu qui va vous détruire. C'est vrai. Et voilà, donc en fait, comme je disais, on revient tout à l'heure, on a l'espérance, on sait qu'on a déjà gagné tant qu'on reste ferme sur la foi. C'est sûr, mais il faut se battre aussi. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le surnaturalisme, entre guillemets, où on se dit, voilà, bon, nous, on vit pour le ciel, et du coup, on se désintéresse, on laisse agir les méchants dans l'ordre naturel. Et parce qu'on sait que voilà, à la fin on gagne, effectivement, mais on a quand même une œuvre sur terre pour le bien, positive à accomplir. On n'a pas simplement, c'est pas simplement se préserver du péché dans le sens ne pas faire une action mauvaise, on a aussi une œuvre positive à accomplir. Et je pense que dans nos milieux, dans le milieu de la tradition, c'est pas forcément bon. Après, c'est sûr que c'est dur, hein, à notre époque, c'est facile d'être désespéré, de se dire on peut rien faire, mais on a quand même un rôle à jouer. Et il faut simplement se rendre disponible, je dirais. Et après, c'est la providence qui nous appelle. Elzinko, alors je t'aime. Tu m'offres une transition parfaite par rapport au sujet qui est finalement en lien direct avec ce qu'on vient de dire. Il y a des gens qui ont décidé d'apporter une note positive par rapport à cette histoire de Tour de Babel, destruction de la famille et de la société à travers l'avortement. Ça s'est passé en Gironde par rapport au planning familial. Alors, planning familial, ça, c'est fait partie aussi des termes. Quand vous sentez planning familial, vous dites, ah ouais, d'accord, c'est des gens qui veulent construire une famille, et du coup, ils sont prudents, ils vont planifier les trucs. Rien à voir. Planning anti-familial. D'accord? ce sont des gens, ils sont là pour détruire la famille. Mais en utilisant des termes beaucoup plus sympathiques, c'est plus facile de faire fonctionner leur plan. Donc le planning familial a été, c'est Figaro encore une fois qui nous en parle, a été victime d'un acte de vandalisme, le troisième acte de vandalisme en moins d'un mois, en fait ça fait un peu plus d'un mois et demi. Alors acte de vandalisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est l'extrême droite qui a fait ça, hein. Donc quand vous lisez un truc pareil, vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu le feu, ils ont mis une bombe, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cassé la figure à un type. Alors, ils ont mis des tags à proximité du planning familial et ils ont collé des stickers dans les rues adjacentes. Voilà, donc personne n'est mort, tout va bien. Voilà. Mais bon, là, c'est le planning familial qui est touché. Donc, quelque part, ils ont, vous savez, la ligne rouge, le téléphone rouge entre Moscou et Washington. Ben là, c'est pareil, ils ont le téléphone magique. Envoyez les caméras. Oui, on va pleurer. On a des mouchoirs, tout ce qu'il faut, pas de problème. Et puis ça chiale, ça demande des subventions, ça demande bien sûr, ça demande des peines de prison ferme, bien sûr ferme. Oh là là, face à un outrage aussi. Oh là là, attention, on touche pas à ça. Bon, alors des gens qui ragent comme ça parce que finalement les identitaires décident de se rebeller contre la destruction programmée de leur civilisation. Bon, moi j'encourage pas des amis de délinquance, d'accord. Je crois que les stickers sur les poteaux à ma connaissance, hein, je suis pas expert, je crois qu'il y a rien d'illégal. C'est sûr, si vous mettez un truc, Adolf Hitler avec une grosse croix gammée, là je pense que c'est illégal. Mais les stickers en question contenaient des slogans qui étaient pro-vie, tout à fait classique. Donc à mon avis, il y a aucune loi qui interdit ce genre de choses, d'accord. Bon, pour les tags, bien sûr, j'imagine bien que c'est un acte de délinquance. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ces jeunes gens que je salue, d'accord, que je salue en Gironde? Qui ont bien finalement identifié un élément qui est à la base de notre problème, à savoir le planning familial, qui est vraiment une entité démoniaque. Le planning familial, c'est des types qui sont venus, qui ont envoyé finalement leurs agents, quand j'étais encore dans les bancs de l'éducation nationale, il y a un petit bout de temps maintenant, pour nous expliquer finalement que le but de la vie, c'était uniquement faire du sexe récréatif, qu'il fallait absolument utiliser des préservatifs tout le temps, qui nous montrait exactement à l'infirmière qui nous explique, voilà, le préservatif, faut mettre comme ci, comme ça, et puis les enfants, machin, on n'en parle jamais, l'amour entre les époux, machin, le mariage, ça c'est les trucs, ça les concerne pas du tout. C'est, on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez forniquer comme ça à l'infini, et surtout ne jamais faire d'enfant. Jamais. Apparemment, c'est un gros mot, faire des enfants, c'est un gros mot, voilà. C'est ça le but de cette organisation. J'incite pas à des actes de délinquance, mais bon, il faut quand même brûler les plannings familiaux, ça c'est sûr et certain. Non, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, bravo aux camarades de Gironde. Comme disait Zinko, il ne faut pas tomber dans un surnaturalisme attentiste, comme disait Rex tout à l'heure, donc il faut agir. On est des chrétiens, donc on est des combattants, on est des soldats politiques, on est des soldats catholiques, donc il faut agir pour améliorer la vie de la cité. Et c'est sûr que coller quelques autocollants et faire quelques tags pro-vie, c'est clairement pas le fameux terrorisme d'extrême droite qu'on retrouve à chaque fois dans les médias, que les journalistes voudraient montrer à chaque fois. Bon, non, aujourd'hui, ça n'existe pas. On est quand même un peu plus malin que ça. Donc, il y a quand même une juste mesure entre l'activisme bête et méchant, coller des affiches, distribuer des tracts, et le surnaturalisme, enfin, le courant surnaturaliste, on va dire, qui consiste à attendre, juste prier dans son coin, que le grand monarque sur son cheval blanc arrive pour nous sauver, quoi. Non, il faut agir. Il y a un petit passage dans les évangiles qui est assez intéressant à ce sujet. C'est lorsque notre Seigneur est au Jardin des Oliviers et qu'il va être saisi, attrapé par les Juifs. Les apôtres, ils ont réagi de manière différente. Et c'est intéressant de voir justement comment ils ont réagi. Je trouve que c'est une bonne leçon de vie pour nous, soldats catholiques, soldats chrétiens, soldats fascistes, un peu de comment nous devons réagir. Comment on doit mener notre vie. Donc les soldats, les juifs, ils arrivent avec les soldats pour capturer Jésus. La plupart, les disciples, ils ont peur, ils s'enfuient. Mais il y a quand même Saint-Pierre qui sort son épée et qui bondit sur la troupe et qui coupe même l'oreille d'un soldat. Donc il est vaillant, etc. Mais notre Seigneur l'arrête. Il dit non, c'est pas ton rôle. Qui prendra l'épée périra par l'épée. Bon voilà, ce qui est plutôt classique. Hein. Celui qui prend l'arme, il va périr par les armes, pourquoi pas. Mais c'est pas le rôle, en tout cas, d'un clerc, d'un homme d'église, de porter les armes et de faire couler le sang. Donc le Christ, il réprouve la technique de Saint-Pierre, donc de vraiment foncer tête baissée dans le tas, sans réfléchir, et ça, c'est un peu ce qu'on... Ça ressemble un peu voilà, au naturalisme, juste les nationalistes de base qui n'ont pas de spiritualité. Et après, donc t'as les apôtres qui s'enfuient. Donc là, forcément, c'est les lâches, quoi. C'est on s'enfuit, on ne veut pas voir la violence, on ne veut pas voir le mal, on reste dans notre petit cocon et on attend que ça se passe. Donc ça, c'est un peu le courant surnaturaliste, attentiste. Et au final, qui est le seul apôtre qui est resté? C'est Saint Jean, donc l'apôtre que Jésus aimait, on dit, hein, voilà, en gros, son meilleur ami, son srab, son best. Hein. Et en gros, Saint Jean, il s'est un peu caché, il a observé la scène, et quand Jésus se laisse emmener par les Juifs, par les soldats, eh bien, il suit à distance. Donc il suit à distance. Donc là, voilà, c'est il suit à distance Jésus. En fait, il suit l'enseignement de Jésus. Puis après, Jésus, il est emmené dans la ville. Il va être présenté aux juges, etc. Et c'était une place forte qui était fermée. On ne pouvait pas rentrer dedans comme on voulait. Et bien, Saint Jean, grâce à ses relations, il a pu rentrer dans la place forte, accompagné de la Vierge Marie, d'ailleurs. Donc, il a pu la faire rentrer. Et ça, voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les relations humaines, le clan... La force de la communauté, elle est très importante parce que grâce à cette force de la communauté, grâce à ses connaissances, il a pu rentrer. Donc ses connaissances humaines, etc. Son réseau, tout simplement, il a pu rentrer au plus près de notre Seigneur. Et en fait, Saint Jean, il a tout le temps accompagné notre Seigneur. Donc il était présent au pied de la croix. Les autres apôtres, ils avaient peur, ils s'étaient enfermés. Voilà, ils s'étaient auto-enfermés par crainte des Juifs, nous dit les Évangiles. Donc je pense que c'est une bonne leçon pour nous justement de suivre le modèle de Saint Jean. C'est-à-dire, on suit l'enseignement du Seigneur, on est prudent, donc on reste prudent, on n'est pas à découvert, mais on travaille pour le bien commun, pour œuvrer pour l'œuvre de Jésus. Et je pense que voilà, les camarades en Gironde, directement ou indirectement, je ne sais pas s'ils sont catholiques ou pas, en attaquant le planning familial, en fait, ils œuvrent pour le bien commun, donc pour l'Église, donc pour le règne du Christ-Roi. Donc bravo camarades si vous nous écoutez, on continue le combat, bien sûr, on ne peut que encourager tous nos camarades à lutter contre les institutions comme le planning familial. Sachant que la meilleure lutte possible, c'est de fonder une famille, faire beaucoup d'enfants, de bien les éduquer chrétiennement, pour qu'ils soient meilleurs que nous, et voilà, tout simplement. C'est vraiment intéressant ce que tu dis sur ce qu'a fait Saint Jean. Parce que... Alors, c'est intéressant, mais je dis, voilà, c'est vraiment une opinion personnelle, hein, c'est pas... Ouais, non, mais je pense que tu touches du doigt, parce que... J'ai jamais vu ça sous aucune plume, donc c'est vraiment perso, quoi, ça, il faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est parole de Dédé, tu vois, ça vaut pas grand-chose. Ouais, bah, après, je te dis ce que ça m'inspire, je te dis ce que ça m'inspire, en fait, c'est que on est souvent, enfin, une fois qu'on se réveille, soit au niveau de la religion, soit au niveau politique, et qu'on n'est pas trop âgé, souvent, il y a une espèce de feu qui s'allume en nous. Et c'est difficile de le tempérer, de trouver comment utiliser cette énergie, de la canaliser sur le long terme. Et donc souvent, on tombe dans l'un des deux extrêmes en fait que tu viens de décrire, c'est-à-dire on se lance dans des actions imprudentes. Et au final, ben, ça peut, comme je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé pour Hervé Ryssen, mais ça peut aussi tout arrêter d'un coup quand ça te revient trop fort dans la tête. Soit tomber dans le surnaturalisme où on ne fait pas grand-chose. Et c'est ce que je trouve qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'entre-deux, en fait, il est d'inscrire son action dans un tout humain qui nous dépasse. C'est-à-dire de chercher à comprendre quelle est ma fonction dans l'équipe de gens qui sont animés de la même force que moi. Et de ne pas chercher à aller forcément beaucoup au-delà, ou voilà, de trouver quelle est ma vocation, quoi. Qu'est-ce que naturel ou surnaturel, mais partir du principe que Dieu... Voilà, nous a mis dans une communauté naturelle, nous a mis dans une communauté surnaturelle et nous a donné quelque chose à apporter pour le bien commun. Et ça, c'est une quête qui prend des années, je pense, avant de vraiment comprendre et d'être docile en fait à cette voie-là. En fait, le planning familial, à la base, ça nous vient des États-Unis, comme le nom le suggère. Et c'était une association qui s'appelait l'American Birth League Control. Donc une ligue de contrôle des naissances américaines. Et c'est en 1942 que c'est devenu le planning familial, parce qu'ils étaient un petit peu liés à l'eugénisme, etc. Ils avaient peur de se faire de la mauvaise pub avec les nazis. Donc voilà, c'est ce que c'est devenu. Mais auparavant, en fait, on trouve une... quelle est la théorie de l'action du planning familial? Parce que tu as bien dit ce qui s'est passé, toi, quand tu étais en classe. C'est-à-dire, c'est des gens, ils arrivent et ils te disent, en gros, le but de la vie, c'est l'orgasme, quoi. Bobby, surtout qu'à ton époque, il y a quelques siècles, ils venaient s'exprimer face à des adolescents. Aujourd'hui, c'est de plus en plus tôt. Quand tu as les assos trans, LGBT, LGPD, tout ça, qui viennent dans les classes, maintenant, c'est des enfants de 5 à 7 ans. Quoi. Et ils parlent de sodomie. Ouais. Donc là, le planning familial, ils sont aussi plus agressifs dans leur démarche. Quoi. Ils ont, non, mais c'est des gens qui ont pour titre des ados, planning familial et qui ne parlent jamais de famille, en fait. C'est oui. Ça qui est choquant. On parle jamais d'enfants. Le planning familial, c'est okay, là, un truc technique de préservatif et surtout, comment prendre la pilule pour tuer des bébés, quoi. Planning familial... Ouais. On parle pas d'enfants, mais on parle à des enfants, en fait. C'est ça, le truc. Ouais. D'accord, mais au nom de l'orgasme, en fait. Est-ce que tu es d'accord pour dire que leur credo, c'est, tu peux le résumer en un mot, orgasme? Ah oui, bah en fait, c'est la continuité des boomers, finalement. C'est ça, c'est absolument jouir sans limite. Et donc, ouais, c'est la jouissance, d'ailleurs, quoi, effectivement. Ouais. Le planning familial, c'est clairement un truc de boomer. Alors là, complètement. Ouais, c'est ce qui les organisations qui dirigent ces trucs-là, c'est souvent voilà, complètement des femmes. À la limite, pourquoi pas, parce que ça s'adresse à d'autres femmes. Mais surtout des boumeuses, quoi. Vraiment, il n'y a pas un seul jeune dans le planning familial. Alors là, j'en démarre pas. Ouais, en fait, le planning familial et cette idéologie, c'est ce qui a engendré les boomers. C'est-à-dire que c'est venu avant les boomers. C'est une stratégie, en fait, il y a une stratégie qui est orgasme, qui a été en fait inventée plus ou moins, par un psychanalyste viennois qui sévissait dans les années 30, qui s'appelait William Reich. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là. William Reich, c'était un juif. C'est dommage parce qu'il avait un nom... Ouais, ça partait... Ouais, ça partait bien. Plus, il était à Vienne. Il était à Vienne, en plus. En plus, il était à Vienne, ouais, donc c'est dommage. Bon départ, mais mauvaise arrivée. William Reich est un disciple dissident de Sigmund Freud. C'est un double dissident d'ailleurs, puisque c'est un dissident de la psychanalyse et c'est un dissident du communisme. C'est un membre du Parti communiste allemand. Et Wilhelm Reich va transformer l'intuition freudienne, telle que Freud l'avait manifestée dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Wilhelm Reich va systématiser l'intuition freudienne en faisant de la sexualité non pas simplement le socle de la personnalité humaine, mais aussi l'exercice possible de son salut. Donc, en fait, lui, à 11 ans et demi, il a couché avec la femme de ménage chez lui. Donc, c'est un troussage de domestique que tu nous racontes là. C'était Jean-François Kahn qui nous avait honoré de cette... Ouais, Cannes, ouais, comme le festival, mais ça s'écrit pas pareil. D'accord. Il nous avait honoré de cette citation. Ça, je sais pas, c'est... Il avait, c'est... Par rapport à l'affaire DSK, il avait senti ça, c'était un troussage domestique. Intéressant. D'accord. Ouais. Lui, il avait la vocation très tôt, hein, donc c'était à 11 ans. Après, il a surpris sa mère en fait en train de coucher avec son tuteur. Parce qu'il, là, il avait un tuteur, il voit sa mère en train de coucher avec. Et vu que les Juifs sont des gens très équilibrés, en fait, il a hésité entre soit faire du chantage à sa mère pour le forcer à coucher avec lui. Je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui écoute, hein, mais bon, il faut dire les origines. Voilà, soit à la dénoncer à son père. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au final, il a dénoncé à son père. Et sa mère s'est suicidée. Donc, voilà, le mec, il rentre dans la vie comme ça. Ensuite, il est parti faire des études à Vienne, il s'est marié. Et il faisait que coucher à droite à gauche, même quand il était marié, en fait, il trompait sa femme. Et au lieu de se dire, comme c'est souvent le cas avec ces gens-là, avec les féministes qui brisent une famille, et de se dire que c'est mal, il s'est dit, en fait, il a construit toute une théorie, et il s'est appuyé sur Freud pour dire qu'en fait, l'orgasme était absolument essentiel à l'équilibre de notre psyché. C'est que sans orgasme, en gros, on devient fou, donc du coup, il faut tromper sa femme. Voilà. Et il ne s'est pas arrêté là, il s'est dit, en fait, le problème, c'est la société, c'est l'ordre moral, c'est le mariage. Donc, en fait, il est parti en croisade, dédié sa carrière à ça, pour changer, en fait, l'ordre social, pour faire de la politique avec du sexe. Et il y a un passage révélateur dans un de ses livres. Lui, en fait, c'est les 68 arts, la révolution sexuelle des années 60. C'est leur messie, en fait, Wilhelm Reich. Le mec, il est mort dans les années 50, je crois, mais ils ont retrouvé ses bouquins et ils se sont servis de ses écrits. Dans un de ses bouquins, en fait, il donne la stratégie. C'est assez horrible, mais bon, là, je le donne tel quel. En fait, il avait une fille qui s'appelait Eva, et elle avait, je crois, elle avait 7 ans. Et dans son livre qui s'appelle La psychologie de masse du fascisme, il était obsédé avec le fascisme et le catholicisme, comme par hasard, il raconte en fait l'histoire d'une fille. Bon, il ne dit pas que c'est la sienne, mais en gros, on comprend que c'est la sienne. Alors, il nous dit qu'elle avait été éduquée sans aucune idée de Dieu. Donc, ça, c'était voilà, la base. Et qui avait pris l'habitude de se masturber tous les soirs, à 7 ans. D'accord ? Et un jour, elle joue avec ses amis de l'école en revenant, et ils jouaient leur jeu, c'était évidemment un jeu très, très innocent, ils jouaient à coucher ensemble comme font papa et maman. Et là, en fait, il y a une vieille dame en fait, qui leur dit qu'ils vont aller en enfer. Donc, elle n'avait jamais entendu parler de Dieu, mais elle rentre chez elle, et le soir, au lieu de se masturber, la petite fille, elle avait peur de Dieu, elle avait peur de l'enfer. Elle s'est dit, est-ce que c'est mal ce que je suis en train de faire ? Et elle s'est mise à prier. Donc, elle a prié. Et depuis ce jour-là, en fait, le soir, elle ne se masturbait plus, elle priait. Et elle va en parler à son père. Donc, on suppose que c'est William Reich. Et William Reich, il lui explique que non, Dieu n'existe pas, machin, il faut qu'elle continue. Et il arrive à lui faire abandonner sa pratique et à retomber. Et là, en fait, il a trouvé une vérité fondamentale, c'est qu'en fait, c'est soit tu te masturbes, soit tu pries. Mais tu ne fais pas les deux en même temps. Soit l'un, soit l'autre. Alors, il s'est dit, on va appliquer ça à la politique, parce qu'à l'époque, vous avez les communistes qui envoyaient leurs émissaires dans les séminaires pour essayer de blablater tout le monde, pour leur dire « Non, Dieu n'existe pas ». Et comment se fait-il alors que nous soyons, que l'Église, d'une certaine manière, je dirais, s'est trouvée lentement, mais sûrement pénétrée par toutes ces idées libérales ? Comment cela peut-il se faire ? Eh bien, par les moyens que les francs-maçons voulaient employer, c'est-à-dire pénétrons les séminaires, entrons dans les séminaires, que nos idées pénètrent dans les séminaires. Et ces idées, en effet, ont pénétré dans les séminaires avant le Concile, déjà, les idées libérales, et particulièrement, au moins dans les séminaires de France, par exemple, par les idées de Teilhard de Chardin. Et c'est des libelles circulaient dans les séminaires qui diffusaient ces idées. Et peu à peu, ce sont pas seulement les élèves, les étudiants, mais aussi les professeurs qui ont été atteints par ces idées. Et disons-le franchement, des évêques. Voulez-vous, les évêques sont choisis parmi les prêtres qui ont été formés dans les séminaires. Peu à peu, ces idées libérales ont pénétré à l'intérieur de l'Église. Et quand le concile s'est ouvert, il y avait dans le concile une bonne partie des évêques qui étaient vraiment infestés par ces idées libérales. Le cardinal Lercaro, il faut bien dire les choses comme elles sont, le cardinal Lercaro s'est manifesté dans ses relations avec les communistes, dans son archevêché de Bologne, et vous savez que son vicaire général, son vicaire épiscopal, et qu'il a choisi lui-même, était inscrit au Parti communiste. Parce qu'à cette époque-là, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut bien se dire, la société, elle n'est pas comme celle qu'on a actuellement en face des yeux. La société, il y avait encore la famille, qui était, voilà, c'était une structure, c'était partout, et il y avait aussi l'Église. Et ça, pour mener à la Tour de Babel, c'est deux obstacles insurmontables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sexualiser la société à outrance. Et ils se sont servis donc du planning familial. Alors le planning familial, en fait, ça vient de... C'était des protestants, à la base, et qui étaient très riches, comme les Rockefeller. Et les juifs, en fait, les ont ralliés à leur entreprise. Et ça s'est traduit, en fait, par des... Comment dire ? Il y avait un aspect culturel, en fait, parce qu'à l'époque... Il faut les mettre. Aujourd'hui, vous voyez, il y a du cul partout dans les films, sur Internet, le porno, c'est partout. Donc, quand tu arrives à 16 ans, 17 ans, tu ne peux pas passer à côté. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. À l'époque, tu n'avais pas le droit de montrer un nichon dans un film. Donc, il fallait changer ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les juifs d'Hollywood, en fait ? Ils ont compris, ils ont fait un film sur l'Holocauste. Et dans ce film sur l'Holocauste, ils ont montré une femme avec un sein nu. Et il y a eu une ligue de décence, en fait, aux États-Unis qui était chargée de censurer les films qui étaient indécents. Attends, laisse-moi deviner la suite. La ligue de décence, elle a dit « c'est pas bien ». Eux, ils ont dit « ah, mais vous êtes antisémite ». Voilà, et en fait, oui, c'est un film sur l'Holocauste. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, voilà, il y avait eu un précédent, on avait montré un nichon dans un film, donc c'est à partir de là que, 2 ans plus tard, je crois, il y avait le premier film porno de l'histoire, « Deep Throat ». Voilà. Donc, et en plus, à côté de ça, il fallait, pour pouvoir débrider la société sexuellement, il fallait évidemment qu'il y ait la contraception et l'avortement. Et ça, ça a été fait donc, par des... Bon, il y a eu des journaux qui sont considérés, certains disent qu'ils sont juifs, comme le New York Times. Il y a eu des ligues, notamment la National Abortion Rights Action League. C'était une ligue dirigée par des juifs qui bombardaient dans les médias pour qu'il y ait un changement de législation sur l'avortement. Et tout ça mis ensemble, ils ont réussi, avec la jurisprudence de la Cour suprême, à changer la législation, à mettre du cul partout dans les films. Et à partir de là, ils ont implanté des plannings familiaux partout dans le pays. Ils ont fait la même chose à l'étranger. Parce que si vous regardez en fait les moments où il y a eu les lois sur la contraception de Neuwirth en France, du juif Neuwirth et de Simone Veil, à chaque fois, ça vient 2 ans après ce qui se passe aux États-Unis. Donc ils ne font que suivre. Et ils nous ont envoyé leurs plannings familiaux qu'ils ont mis partout. Comme ça, les gens ils peuvent tous coucher ensemble, se livrer... à la promiscuité, sans conséquence, ils avortent, et au passage, ils perdent la foi. Et ça vous donne la génération des boomers, qui, apparemment, eux, ils n'ont pas tagué le planning familial, les boomers. Je sais pas ouais, pourquoi, mais... Bizarre. Pour toutes ces questions-là d'évolution des lois par rapport à la pornographie ou même à l'érotisme aux États-Unis, il faut absolument que je vous renvoie à l'excellent bouquin Merchants of Sin, les marchands du péché, qui n'existe pas en langue française, mais c'est un anglais tout à fait abordable, d'accord, de l'auteur qui s'appelle Benjamin Garland, qui est excellent, et d'ailleurs qui met en lumière le travail de sape d'une certaine communauté qui ne s'est pas privée de faire évoluer les lois sur cette question-là pour des raisons, on va dire, des raisons tribales, voilà. D'accord. Moi, je me permets de citer un ouvrage qui m'a vraiment éclairé sur ça, c'est « Libido Dominandi » de E. Michael Jones, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un Américain, un universitaire. À la base, il travaillait dans une université catholique dans les années 70. Et en fait, il disait qu'on n'avait pas le droit d'avorter en tant que catholique. Et il s'est fait virer. Du coup, il a fondé son journal. Et voilà, il parle très bien de tout ça. Mais voilà. Et donc, au final, notre génération, nous, on arrive quoi ? On arrive 50 ans après la guerre, en fait. Et nous, qu'est-ce qu'on voit autour de nous ? On voit que des ruines. On vient tous de familles divorcées. Enfin, je ne sais pas tous, mais bon, beaucoup. Donc, on voit qu'il y a tout qui tombe en ruine dans la société. Donc, on remet en question, en fait, tous ces dogmes de vivre pour jouir, machin. Et d'où peut-être la défiance du gouvernement et qui ne veut pas nous soumettre à un référendum sur la constitutionnalisation de l'avortement. Mais on voit qu'il y a, il y a un changement. Il y a une inflexion au point de l'histoire où on est actuellement. Et je pense que ça leur fait peur et c'est très bien. Surtout que s'il y a un référendum sur le sujet, on sait très bien que ça sera du style... Êtes-vous pour l'avortement jusqu'à 8 mois ou jusqu'à 9 mois ? Tu vois, ce sera ce style de référendum, quoi. Donc, tous les camarades qui croient vraiment à toutes ces espèces de solutions, entre guillemets, électorales, comme disait Bobby avec l'UPR, « Oui, mais la Constitution dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, blablabla. » Non, mais les gars, tout ça, ça va à la poubelle. Encore une fois, le principal, c'est de construire une communauté, un clan solide, un clan qui soit catholique, un clan qui soit nationaliste, quelle que soit la forme de nationalisme, bien sûr, mais qui ne peut pas rentrer en contradiction avec les dogmes et la foi catholique. C'est ça vraiment qui va permettre de faire dérailler la machine républicaine, qui permettra de faire tomber la tour de Babel, tout simplement. En tout cas, à vue humaine, hein. Attention, à vue humaine, de l'action que nous, on peut faire. En fait, tu auras deux bulletins. Tu auras le bulletin « Je suis pour l'avortement, j'approuve », et tu auras un autre bulletin, ce sera marqué « Je suis un gros fils de pute ». Voilà, c'est comme ça le choix qui sera. Il faudra choisir. Alors, nous enregistrons cette émission fin mars, et on tenait quand même bien sûr à vous souhaiter d'avance une joyeuse fête de Pâques. Effectivement, joyeuse Pâques à tous. C'est toujours intéressant de connaître nos fêtes, en fait, les fêtes de Pâques. Le mot Pâques, en fait, il vient toujours revenir à la base étymologique. Ça vient du latin « pascha », qui lui-même vient du grec « pascha », qui vient de l'araméen « pacha », et qui vient de l'hébreu « pessa ». Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, Pessa ? Ça veut dire enjamber, passer par-dessus. En fait, ça symbolise le passage. Donc là, vous allez me dire, mais Dédé, qu'est-ce qu'il raconte ? Le passage de quoi ? Et bien, en fait, ça fait référence à l'action de l'ange de Dieu lors de la captivité des Juifs en Égypte, qui est passé pour exterminer tous les premiers-nés, donc humains et bétail. En fait, ça correspond à la 10e plaie d'Égypte, Pharaon ne voulait pas libérer les Juifs. Ça faisait 430 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte. En fait, ils s'en servaient comme main-d'œuvre. Alors, est-ce que des Juifs en main-d'œuvre, c'est efficace? Je ne sais pas. Ça devait être efficace quand même, peut-être à l'époque, tu vois. D'après ce qu'on m'a dit, ils s'économisent souvent. Ouais. Aucun rapport avec l'argent, j'imagine, mais apparemment il s'économise. Donc voilà, donc Pâques, ça viendrait de ce nom-là, donc ça symbolise le passage de l'ange exterminateur de Dieu qui est venu tuer tous les premiers-nés, donc humains et bétail. Donc tous les premiers-nés, sauf ceux des Hébreux, qui sur la devanture de leur porte ont étalé du sang, le sang de l'agneau. Donc voilà, c'est la Bible qui nous rappelle ça. Donc en fait, la fête de Pâques, ça commémore, dans l'Ancien Testament en tout cas, hein, c'est l'affranchissement et donc la fin de la servitude des Juifs. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Bien sûr, dans le Nouveau, les deux sont toujours liés. Hein, on va pas tomber dans l'hérésie de Soral, etc., qui dissocie l'Ancien du Nouveau, que c'est pas le même Dieu, etc. Enfin voilà, vraiment une cata, quoi. Donc dans l'Évangile, qu'est-ce que c'est Pâques? Pâques, ben, c'est tout simplement, donc c'est la fin du carême, hein, c'est la résurrection du Christ. Les quatre évangiles en parlent, donc c'est vraiment le point culminant des évangiles, de l'enseignement. Donc le soir de la Pâque, donc Jésus il est réuni avec ses apôtres, avec les 12 disciples, et donc ils font le repas de Pâques, donc pour commémorer justement la libération des Juifs d'Égypte, hein, on est toujours dans la tradition. Donc ils mangent de l'agneau avec des herbes amères, avec du pain sans levain. Donc le pain sans levain, c'est la fameuse manne que le bon Dieu a permis aux Juifs de recevoir pour se nourrir dans le désert quand ils ont erré pendant 40 ans, hein, quand ils avaient encore une fois abandonné le bon Dieu pour adorer les idoles, comme on a pu le dire. Et ils boivent du vin. Donc le vin, ça représente le sang de l'agneau qui était sur la porte, que l'ange exterminateur, du coup, il passait par-dessus sans rentrer dans les maisons pour tuer les premiers-nés. Donc ils sont réunis pour le repas de Pâques, sauf que Jésus, du coup, quand il prend ce repas, ça va prendre une autre dimension. Parce qu'au moment où il prend le vin, donc attendez, je vais vous donner les paroles exactes qu'il a dit dans mon missel. Au moment où Jésus prend le vin, il dit « Car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Prenez et buvez-en tous. » Donc c'est à partir de ce moment où il y a vraiment la nouvelle alliance qui est mise en place, où est créée l'institution du sacrement de la messe, donc, qui est vraiment la messe, c'est au centre de la vie du chrétien, c'est le moment le plus important. Et dans la messe, le moment le plus important, c'est la consécration. Donc ce qu'a fait notre Seigneur avec cette fameuse « prenez-en tous, buvez mon sang, mangez ma chair, etc. » Donc avec l'hostie aussi, le pain. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on demande à nos contemporains, voilà, aux lambda dans la rue, aux boomers, les jeunes, etc., qu'est-ce que c'est Pâques? À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Les lapins au chocolat. Trottoir, pour toi, c'est quoi Pâques? Qu'est-ce que c'est Pâques? C'est le lapin, effectivement, il faut aller dans le jardin chercher les œufs qui sont cachés derrière le pommier. Fin de l'histoire. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. C'est le chocolat, les chocolats de Pâques, les cloches de Pâques, tout ça. Donc à chaque fois, hein, c'est pas gratuit. Hein. Les œufs, c'est parce qu'en fait, avant Pâques, pendant les 40 jours du carême, on mangeait pas d'œufs. Or, les poules, elles font un œuf par jour à peu près, les poules pondeuses. Donc on stockait les œufs, on les décorait et on les offrait le matin de Pâques, en fait. C'était voilà pour. Et ça, aussi, l'œuf, ça symbolise aussi la renaissance, donc le Christ, la résurrection du Christ. Toutes ces petites habitudes, ces traditions bêtes, des chocolats de Pâques, les œufs de Pâques, le lapin de Pâques, c'est jamais innocent. Pareil pour les cloches. En fait, c'est du jeudi saint jusqu'au dimanche matin de Pâques, de la résurrection du Christ. On ne sonnait pas les cloches. Par contre, après, on les sonnait à la volée, quoi. Donc voilà, ça vient. C'est toujours des traditions populaires qui sont ancrées à la base dans l'Église ou dans la tradition parfois même un peu païenne. Hein. Avec le lapin de Pâques, c'était plutôt une tradition païenne. Mais donc, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que nos contemporains, ils vont te sortir qu'est-ce que Pâques? Ah ouais, c'est quand on mange des chocolats de Pâques, quoi. C'est des œufs de Pâques. Donc, et en même temps, bah, c'est ce qu'on leur apprend, c'est ce qu'on leur apprend à la maison, et c'est ce qu'on leur apprend, ce que leur apprend la République, etc. Forcément, ils n'ont pas des cours de catéchisme dans les écoles. Pour ça, hein, c'est important de bien veiller à l'éducation des enfants, surtout à leur éducation spirituelle. Hein. Voilà pour Pâques un petit peu, moi, ce que je voulais dire sur cette grande fête qui est notre principale fête. On m'a déjà sorti, c'était pas quelqu'un de très très cultivé non plus, on m'a déjà sorti quelqu'un qui croyait fermement que les lapins pondaient des œufs à cause des histoires. Donc, ouais, quelqu'un avait fait l'association. Qui se sent poule, pourquoi pas, c'est ouais, il est non-binaire, ouais, bah oui, ouais. Aucun problème. Et puis poule, hélicoptère de combat, pas de problème, hein. Mais ce que ça montre, parce que notre contemporain, du coup, il sait encore ce que c'est le mot PAC. Bon, il ne sait pas à quoi ça correspond, mais PAC, ça reste quelque chose. Et si vous donnez la vie au diable, je pense qu'il aimerait qu'il ne sache même pas ce que c'est que le mot PAC, ni pour Noël. Et donc, en fait, Noël, donc la naissance du Sauveur, et PAC, sa résurrection, c'est des événements tellement transcendants, tellement importants, qu'ils doivent être fêtés. En fait, que l'univers les fête, quoi qu'il se passe. D'ailleurs, même la nature fête, en fait, Pâques. Donc, le diable, tout ce qu'il peut faire, c'est se mettre devant, faire une grimace, essayer de changer le sens avec le Papa Noël, avec les lapins en chocolat. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Alors, parfois, j'ai des discussions, on va dire, un peu houleuses avec des néo-païens. Alors, j'évite, hein, parce que ce n'est pas des discussions très constructives. Hein. En face, ce n'est pas des théologiens de l'Apocalypse, hein, attention. Hein. Ouh là là là. Et donc, ils mettent en avant le fait que mais vous, les chrétiens, votre Dieu, il est crucifié, alors que le mien, il a des gros muscles et il a un marteau. Voilà, c'est à peu près de ce niveau-là. Hein. Mais c'est épuisant, c'est épuisant. Et moi, je suis toujours quand même stupéfait de voir à quel point ces gens n'ont rien compris. À quel point ils n'ont vraiment rien compris à l'histoire de la crucifixion. C'est-à-dire que le Christ, il n'a pas été victime des événements. Il a tout planifié, il a tout vu en avance, il a tout décidé. Il aurait pu faire en sorte que ça se passe autrement. N'importe quel... il aurait pu faire en sorte que, je ne sais pas, Ponce Pilate décide de ne pas relâcher Barabbas et de relâcher le Christ, et puis il aurait mis une escorte pour le protéger. N'importe quoi. Tout aurait été possible. Oui. Mais le Christ n'a pas subi les événements. Il a voulu la croix, il a voulu ce sacrifice... Il a voulu nous l'offrir pour nous sauver nos âmes, d'accord. Il a tout décidé de A à Z. Il n'y a pas une seule parole, que ce soit de Pilate, des Juifs qui ont voulu sa mort, ou simplement des méchants qui étaient présents sur le chemin de croix, qui n'ont été en place. Il n'y a pas un seul cheveu qui est sur le sommet de notre crâne, ou pas une seule goutte qui est dans l'océan, si ce n'est par la volonté de Dieu. Et donc Christ a tout décidé de A à Z. Il n'a pas été comme ça une sorte de... Je ne sais pas à quel point ces néo-païens s'imaginent la chronologie des événements, mais ils s'imaginent vraiment quelqu'un qui a subi tout de A à Z et qui a été surpris. Il n'a pas été surpris, il l'a voulu, il l'a planifié, il l'a même annoncé. Bon, il n'en avait même pas besoin en plus. Exactement. Il n'avait même pas besoin de le faire comme on nous l'enseigne parfois. Une seule micro-souffrance de l'homme-dieu aurait suffi à tout racheter. Mais... dans l'excès de son amour pour nous, il a voulu aller jusque-là, alors qu'il n'avait pas besoin. La résurrection, c'est l'événement le plus certain de l'histoire, et que si tu ne crois pas à la résurrection, il faut que tu arrêtes de croire à ta propre date de naissance. Oui, mais c'est comme ces gens, d'ailleurs encore des néo-païens, ou alors souvent des athées, alors c'est vraiment le niveau summum de la stupidité, les gens qui arrivent finalement à la conclusion que Jésus n'aurait même pas existé de manière historique. Alors là, c'est débile. Hein. Alors là, si vous ne croyez vraiment pas, je ne parle pas de Jésus qui aurait fait des miracles, etc. C'est une autre question. Mais le point de vue historique du Christ, il est avéré partout. Il n'y a pas un seul historien sérieux qui remet en cause ça. Voilà. Ça a bouleversé tellement de choses, tellement de gens à travers tous les pays, tous les continents, toutes les langues, tous les peuples, à tel point que encore aujourd'hui, on sépare l'histoire en deux. On dit avant Christ, après Christ. Tout a été changé grâce à l'histoire du Christ. Remettre en cause ça, en fait, du coup, vous mettez en cause à peu près tous les événements historiques parce que d'un point de vue de certitude, là, c'est le degré ultime. Voilà. C'est vrai. En fait, non. Ils remettent juste en cause Jésus. Par contre, ils ne vont pas remettre en cause Mahomet ou Bouddha. Là, je t'assure que c'est ça. Là, il n'y a aucun souci. Oui, parce que ça les concerne sur le plan de la morale. S'il a existé, s'il a été là, alors je dois changer ma vie. Exactement. Or, je n'ai pas envie, donc il n'existe pas. C'est aussi simple que ça, ça ne va pas plus loin. Mais comme tu dis, tout événement historique, comment on connaît le passé vu qu'on n'était pas né? Notre seule solution, c'est le témoignage. On a besoin du témoignage d'autrui. Et donc, il faut distinguer les faux témoignages des vrais témoignages. Or, les gens, ils ne remettent pas en question l'existence de Napoléon. Pourtant, est-ce que les témoins de Napoléon, ils ont dû se faire crucifier la tête à l'envers pour jurer qu'ils avaient bien vu Napoléon? Non. Mais ceux qui ont vu le Christ ressuscité, est-ce qu'ils ont dû être crucifiés la tête à l'envers pour dire qu'il avait vraiment vu? Oui. Donc, c'est le, en fait, c'est le critère le plus certain de certitude historique, le témoignage de sang. Et tu n'en as pas un seul, tu as 11 des 12 apôtres, et tu as 300 ans de martyrs ensuite. Il n'y a rien d'équivalent dans l'histoire. Tu peux pas. Et Dieu, il a bien fait. Il a bien fait, parce que c'est l'événement historique le plus important de l'histoire, donc il a marqué du critère le plus certain de l'histoire. Bah, le témoignage des apôtres, et pas que, parce que là, nos opposants, ils pourront nous dire « Oui, mais c'est des témoignages de chrétiens, donc ils ont truandé le truc, blablabla. » Non, c'est dans les écrits juifs, on retrouve Jésus. Dans les écrits romains, on retrouve Jésus. Ni les juifs, ni les romains portaient Jésus dans leur cœur. Par contre, ils ont témoigné qu'ils faisaient des choses extraordinaires. Donc, bah, les juifs, ils vont appeler ça des prodiges, donc en gros des faux miracles, des miracles qui ne sont pas durables, etc. Que c'était un magicien, comme on avait déjà pu le dire en lisant le Talmud, que c'était un magicien, etc. Mais ils ont parlé de lui, comme quoi il faisait des choses extraordinaires. Et en fait, ils vont leur témoignage permettre d'appuyer les témoignages chrétiens véridiques, objectifs, quoi, tout simplement. Oui, et n'oublions pas le témoignage de Dieu lui-même dans les prophéties, qui parle de Jésus 500 ans, 800 ans avant, et des détails des actes de sa vie. Donc tout le monde, en fait, témoigne, Dieu, les chrétiens qui se convertissent, et c'est normal si tu vois Jésus te convertir, donc en fait, ton témoignage n'est pas suspect, et les témoignages des ennemis, effectivement. Donc, Premièrement, au niveau de la certitude de l'existence de Jésus, les historiens pensent, enfin, les historiens sérieux, il n'y a pas de doute, mais dans le public, quand vous allez interroger les gens, ils ne savent pas très bien si Jésus vraiment a existé ou pas. Et donc, les arguments, je vous passe le détail parce qu'on pourrait en parler longuement, mais pendant 19 siècles, personne n'a jamais remis en cause l'existence de Jésus, ni les chrétiens, bien sûr, ni même les adversaires de Jésus, c'est-à-dire les juifs, les romains, ceux qui ont fait des textes, le Talmud, par exemple, des juifs est hostile à Jésus, il dit des choses assez critiques. Il y a aussi les romains, les païens, qui ont dit des choses du temps de Jésus contre lui, mais ils n'ont jamais pensé à dire « cet homme n'a jamais existé ». Donc tous les témoignages sur Jésus sont unanimes pour dire qu'il a existé, même si on le critique. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun... personne ne peut douter de l'existence réelle de Jésus en tant que personne. Ensuite, on se pose la question de savoir si les évangiles sont fiables, c'est-à-dire dans ces textes, est-ce que ce qui est marqué est valable? Donc, il y a saint Paul un jour qui a écrit un texte comme ça, « Le Christ est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il est apparu, voilà ». Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, et il écrit « La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns sont endormis, il est apparu... » Voilà. Il écrit cette lettre dans les années, entre l'année 50 et l'année 60. Enfin, toutes ces lettres sont entre 50 et 60, celle-là, la Corinthien, je dois être au milieu à peu près. Donc, dans les années 50, saint Paul dit « Jésus est apparu à 500 personnes en même temps, et la plupart de ceux qui l'ont vu sont parmi nous encore maintenant vivants. » Tu ne peux pas écrire une lettre comme ça, c'est impossible d'écrire une lettre comme ça, si c'est faux. Parce que les gens, ils vont dire, attendez, on sait bien que personne n'est vivant ou que personne ne l'a vu. Enfin, voilà. Quand vous écrivez que vous êtes des contemporains, les textes de l'Évangile ont été écrits par autant de contemporains, ça c'est certain d'un point de vue historique. Et ces gens-là, les gens qui ont vécu, qui ont connu Jésus étaient encore vivants. Donc beaucoup ont donné leur vie pour dire ça c'est vrai. Tout le démarrage de l'Église chrétienne, c'est des gens qui ont donné leur vie en disant que c'était vrai. Donc d'un point de vue de la raison, quand on regarde ça, on se dit, il y a un phénomène étonnant. Au niveau de la véracité des textes. En fait, on ne meurt pas pour ce qu'on sait être un mensonge. Si vous savez que c'est un mensonge, vous n'allez pas mourir pour ça. Et donc, si des contemporains ont accepté des textes comme ça et des témoins comme ça, c'est qu'il y avait une valeur de vérité. Et ce qui est très fort aussi, c'est que dans toutes les églises, on réclamait des textes de l'Évangile. Donc, il y a eu des copies extrêmement rapides, contemporaines, de ces apôtres, qui sont parties dans tous les coins du monde. Et aujourd'hui, on peut dire que le texte de l'Évangile est de très loin et sans comparaison le texte le mieux conservé du monde antique. Pourquoi? Si vous regardez tous les auteurs de la Grèce, de Rome, de tous les auteurs du monde antique qu'on a, en fait, on a deux, seulement des copies, qui sont pour la plupart du Moyen-Âge, donc une distance de 800 ans, 1000 ans, et quelques dizaines de copies, dans le meilleur des cas. La guerre des Gaules de Jules César, c'est 10 exemplaires seulement. Et je vous dis, dans tous les autres, Hérodote, c'est 8, enfin des trucs comme ça. Pour les évangiles, on a des textes qui datent de manuscrits qui datent de un siècle ou deux et non pas de 7 ou 8 siècles, et il y a 5000 manuscrits grecs, 10 000 latins, 9 000 autres et 36 000 citations chez les pères de l'Église. C'est-à-dire que, comme c'est parti dans tous les coins du monde et que ça a été traduit dans toutes les langues, et vous avez aujourd'hui ces versions qui existent, et vous avez un critère de vérité qui est unique au monde. Il n'y a pas un texte dans l'Antiquité qui a plus de raisons d'être cru que les évangiles, du point de vue de la fiabilité du texte. Messieurs, écoutez, sur cette très belle parole, on va se quitter. Alors, je précise que Rex a dû partir un tout petit peu en avance parce qu'il m'a dit... Alors, j'ai pas compris son message, il m'a dit « Je dois te laisser, je dois aller torturer un j***. » Alors, j'imagine qu'il s'agit d'une blague, je n'ai pas compris. On espère, bien sûr, on espère. Et puis, bah, pour les autres, je vous dis bah, au mois prochain. Au mois prochain. Salut à tous et surtout, vive Jésus!